Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et manga. Hong Kong Style. Bonjour et bienvenue dans ce 23 épisode de Flashpoint consacré au mois de juillet 2016 et consacré un peu à la SDCC. Donc on va présenter l'équipe donc avec Vinch. Salut à tous. Spectra. Salut tout le monde. Cédric. Salut. Et notre invité exceptionnel, une fois de plus, Fafa Fabien. Fabien. Salut. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, ça roule. Super. Ouais. Ok, bon ça va, c'est déjà ça. Bon, donc on va attaquer donc avec les news cinéma et comme d'habitude c'est Spectra qui s'y colle. Allez, c'est parti pour mon moment de gloire. Donc du coup on a eu des extraits vidéo centrés sur les personnages de la Suicide Squad. On a eu un ultime trailer à l'occasion de la San Diego Comic Con et on a même eu la chanson Purple Lamborghini de Rick Ross et Skrillex. Ah, alors tu l'as écouté? Mais j'ai mis mes oreilles depuis. Pardon ? Mes oreilles vomissent. Mais pourquoi tu dis ça ? Bah, la chanson elle est naze hein, quand même, je trouve. Mais t'es un grand malade, le refrain il est énorme. T'as pas aimé ? Non mais Rick Ross, je peux pas. C'est pas possible. C'est mieux quand même que celle qu'on avait eue la dernière fois là, avec ouais. Imagine Dragons et Lil Wayne. Mais, ouais, c'était de la soupe ça. Ouais. Mm. Et c'est pas encore ton truc. Moi je demande pas l'avis à Cédric parce que lui il écoute que de la musique démoniaque, satanique et compagnie. Vince, t'écoutes quoi toi ? Francis Cabrel ? Non. Ouais, j'écoute divers sons, mais je n'ai pas écouté ce son-là. Ah, d'accord. Fabien, toi, le rap, c'est pas non plus ton truc, je pense. Non, moi, j'écoute le 9e mouvement de Mozart tous les jours. Ouais. Ouais, voilà. Non, mais après, assume, hein. Tu dois sûrement écouter... Non, en fait, je sais même pas qui c'est, Rick Ross, donc... D'accord. Mais toi, comme musique, t'es plutôt quoi? Plutôt rock, donc... J'ai éteint ma clim, c'est un peu mieux, non, déjà, là? Ah ouais. Il y a un bruit en fond, là, je sais pas ce que c'est. On dirait qu'un avion vient de se poser derrière toi. Ouais, c'est une clim portable, c'est la clim du ghetto, quoi. Ça fait du bruit. Bon, là, du coup, je vais avoir chaud pour vous. Donc, j'ai pas entendu, tu disais quoi? T'écoutais quoi, toi, comme musique? Du rock, principalement. D'accord. Ouais, donc, on va pas te demander ton avis. Donc, on est deux, donc un qui a aimé, un qui a pas aimé. Moi, j'attends le clip pour voir un peu ce que ça va donner, mais j'ai trouvé ça efficace comme son. Ensuite... Ensuite, on a eu la première bande-annonce pour le film Wonder Woman, que j'ai trouvé, ma foi, plutôt sympathique. Pas renversant, mais bon, écoute, ça me rassure un peu, et je pense que j'irai le voir au ciné, celui-là. Ouais, t'as l'air super emballé, les autres. Franchement, énorme. Ouais, pareil. Franchement, bien fait kiffer. Ça m'a mille fois plus fait kiffer que quand j'ai eu la bande-annonce de BVS ou de Suicide Squad. Franchement, celui-là, il me dit vraiment bien. Ouais, Fabien. Non, moi aussi j'ai bien kiffé. Après, ça nous avait teasé le personnage dans BVS, donc j'avais bien envie de le voir revenir. Et puis le film solo, je pense que ça va être pas mal. D'accord. Moi j'ai assez kiffé dans l'ensemble. Je crois que ça avait de la gueule. J'ai kiffé les ralentis. Donc ouais, je pense que j'irai le voir. Et j'ai trouvé le trailer bien efficace. Il y a plus que l'avis de Cédric en fait. Toi t'as pas dû aimer comme d'habitude, il y a pas assez de couleurs, c'est pas la représentation que je t'en fais. Qui c'est qui renifle comme un coupon là derrière? En fait, c'est pas mal, Wally, c'est que j'ai pas besoin de dire ce que je pense, tu le dis pour moi. Hein, donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. D'accord. Non, sérieusement, vas-y, développe un non, peu. Non, je. Ah, déjà, bah, les trailers, de toute façon, c'est fait pour que tu. Enfin, pour te donner envie de voir le film. Le trailer ouais, de c'est Green un Lantern, peu le concept. Le ouais. trailer de Green Lantern était génial. Donc là, le trailer est bien fait, mais bon, ça veut pas dire que le film sera bon. On verra. Ouais, non, mais là, la question, c'est juste, est-ce que le trailer, est-ce que t'as aimé le trailer, est-ce que ça va te donner envie de voir le film, en fait, hein? Bah, alors, pour le coup, je vais sortir un truc que j'ai lu un peu partout sur Internet, mais je le pense aussi, c'est que ça m'a fait beaucoup penser à Captain America. Donc, j'espère que le film ne ressemblera pas à Captain America. Bah, ouais, j'espère aussi, hein. Parce que c'était un putain de navire, Captain America. Bah non, c'était bien. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. C'est le meilleur Marvel. Captain America? Ouais. Moi, j'aurais dit le 2, tu vois. Mais le 1, j'ai trouvé ça assez kitsch, en fait. Non, je rigole, hein. Ah, d'accord, ok. J'avais trouvé la première partie de Captain America plutôt correcte, mais je crois que c'était vraiment la deuxième moitié du film, quoi, qui partait en couille. Mais... Ouais, je suis assez d'accord avec toi, la première partie était sympa. Et d'ailleurs, le ton de ce trailer sur Wonder Woman a l'air d'être dans le ton de la première partie du Captain America. Après, Après, il y en a un, c'est Deuxième Guerre, là, c'est Première Guerre mondiale, je crois. Ouais, voilà. Bon, c'est... Il y a quelques passages sur l'île, apparemment. Ouais, moi ça m'a donné pas mal envie quand même. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou on peut poursuivre? Poursuivons. Eh bien, c'est parti. Donc, ce à quoi je ne m'attendais pas, un sneak peek pour le film Justice League, du coup. Dans une tonalité un peu étonnante. Donc, j'ai trouvé ça sympa, mais je suis encore un peu dubitatif. Je sais pas trop quoi, vraiment penser, mais. Après, vas-y. Ça m'a fait kiffer, hein, surtout le Aquaman, j'ai trouvé ça vraiment pas mal pour le coup. Après la rencontre avec Barry, par contre, j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais voilà, j'attends le trailer. Les autres amis, exprimez-vous, hein, ne faites pas l'idée. Okay, mais moi, enfin, moi j'ai bien kiffé. Après, ouais, comme dit Spectra, c'était assez, enfin. Le ton m'a surpris, mais bon, comme Snyder il a dit lors de la Comic Con, c'est vraiment un footage qu'ils ont fait, et de toute façon, je suis certain que le film aura pas cette gueule-là, comme on a vu le Comic Con footage de Suicide Squad de l'année dernière. Au final, le film est totalement différent de ce qu'on avait vu l'année dernière, donc, enfin, de ce qu'on en voit maintenant des bandes annonces de Suicide Squad, ça ressemble pas du tout au premier footage qu'on avait vu l'année dernière. D'accord, mais juste sur le trailer, sans aller dans le futur. Ah, mais moi j'ai bien kiffé. Hein. Parce qu'en fait, sur Internet, tout le monde, ils sont tous là à faire des débats à la con, bidon, comme d'habitude, parce qu'en fin de compte, on sait pas, on a rien vu. Mais juste sur ce que t'as vu, tu vois. Ah, moi, genre ton ressenti, en fait. Sur ce que j'ai vu, je suis emballé, et puis je suis carrément plus emballé, parce que tous les haters de Miller, maintenant, ils rabattent leur manteau, et puis ils changent d'avis, donc ça me fait un peu sourire. Cédric, toi t'as pas aimé, sûrement? Alors moi j'ai été moyen, très très très étonné ouais. Qu'il fasse un trailer qui ressemble au trailer de Marvel avec des blagues dans tous les sens. Arrête, mais arrête. Non mais c'est vrai, hein. Enfin c'est. Je m'attendais pas du tout à ça, surtout venant de Snyder qui veut faire un univers sombre et mature depuis longtemps. Mais il veut pas faire. Oh, non, mais non, mais. Et là ils vont dans la direction Marvel. J'ai l'impression. Mais non, qu'ils mais vont... non, ils vont pas dans la direction j'ai Marvel. J'ai l'impression arrêtez. Qu'ils vont dans la direction de là où l'argent se fait. Le BVS a été un échec. Il n'a pas eux. Été un échec, putain. C'était un échec cuisant. C'était un échec pour les manches bites là. Qui ça a tellement chier, été un échec là, que le film n'était même pas sorti, qui sortait déjà une version Director Cut. Ça a été un échec. Ils ont même pas fait un milliard, c'est bon. Excuse-moi. Ça a été un échec commercial, ils s'attendaient à faire beaucoup plus. Alors, attends. Quand t'as tous les trous du cul de journalistes qu'on leur offre pas la place pour voir le film et que du coup tout le monde déchire le film, donc aussi bien donc les professionnels que tous les sites français de merde habituels, de putaclic et compagnie, donc tout le monde déchire le film. Et comment le tu parles de Comics Blog? Non, je parle pas de Comics Blog, je parle de tous les sites en général, je m'en bats les couilles. Donc quand tout le monde déchire le film sur des avis à la con, c'est pas ma représentation, je me fais du personnage quand j'avais 8 ans, nanana, je le considérais pas comme ça, la vision de la femme, nanana, nanana, ma bite et compagnie. Enfin bref, tout le monde a déchiré le film, le truc il fait 850 millions en tout. En quoi c'est un échec? Bah, parce qu'il devait faire plus d'un milliard. Donc, ouais, oui, hein. Quand même, 250 oui, mais tout en, millions. Tout en sachant qu'il fait 850 millions en se faisant déchirer pour des avis à la con, bah, c'est pas un échec, je suis désolé. Peut-être que c'est un échec critique, parce que comme je dis, ouais, il y en a plein qui ont fait les forceurs, machin et tout ça, mais vu comment ils l'ont massacré, le film, pour moi, c'est pas un échec. Mais le Et film en après, au soi. niveau du ton, attends, excuse-moi, je termine. Vas-y, Au vas-y. niveau du ton, tu vois la fin de BVS, que, bon, on peut spoiler, tout le monde l'a vu, en fait, en vrai, le film, normalement. C'est les gens qui écoutent le podcast. Quand à la fin, il est au cimetière et que Superman, il est dans le cercueil, tu vois bien Il est que, mort? tu vois bien que, enfin, tu vois bien que ça, il commence, il change de ton, quoi. Tu vois bien qu'il commence un peu à, je vais sortir des phrases un peu bidons, mais genre il commence à reprendre foi en l'humanité. Donc tu vois que tu t'attends bien à ce qu'après ça reparte sur un ton un peu plus léger, quoi. Enfin c'est logique. Du coup, il fait des blagues. Et du coup il fait des Batman blagues. fait des blagues. Mais Non, les mais toi, tu peux pas comprendre parce que tu n'as pas connu ces super-héros à 8 ans. Tu les as accueillis à bras ouverts à 35 ans. Et tu peux pas comprendre comment ces gens étaient blessés dans. C'est toute leur enfance qui était balayée. 30 ans de. Bam! D'un coup de poing. Toi, ça me fait 6 mois. Wally, je comprends Non mais je moi la comprends ton différence coup de entre gueule. Non, moi la différence c'est que j'ai une vie à laisse-moi côté parler. quoi. Ma vie Laisse-moi c'est pas parler, la Wally. bande dessinée. Ma vie c'est pas la bande dessinée. À côté j'ai une vraie vie. Donc Wally, ouais, entre ma vie entre. Wally. Attends, je veux juste rajouter que en fait le film il s'est pas fait démonter. Enfin, je pense que le film s'est pas fait démonter parce que c'était noir et que c'était sombre. Le film s'est juste fait démonter parce qu'au niveau scénario c'était un peu bancal et c'était. Enfin, les scénaristes à la con, ils ont. Enfin, les scénaristes, les journalistes, pardon, à la con, ont juste pas kiffé le film parce qu'au niveau du scénario c'était un peu bancal et ça je veux bien le reconnaître. Mais le film il a pas marché parce que c'était dark et que ça abordait des thèmes sombres. Enfin. Moi, je pense qu'ils s'attendaient à avoir un film. Maintenant, les standards de films de super-héros, c'est les films Marvel, donc ils s'attendaient à avoir un standard comme ça. Et on leur a mis devant un film où il fallait réfléchir, et les mecs, ils étaient pas préparés, quoi. Et du coup, ils ont déchiré le film. Tu voulais dire quoi, Cédric? Ce que On je t'a veux coupé? dire, c'est que exactement ce que tu viens de dire, à l'époque, tout le monde s'attendait à avoir un film Marvel, ce n'était pas dans les standards des films Marvel, et là, ils nous sortent une bande-annonce qui est dans les standards des films Marvel. Je ne C'est suis pas pas d'accord. les Ouais. journalistes, c'est pas les sites putaclic, c'est DC qui a fait ça. C'est une bande-annonce d'un film Marvel. Bah moi j'ai trouvé que l'humour était un peu plus fin, pas autant grandiloquent que les films Marvel sur le trailer quoi. Tu peux dire que c'est beaucoup moins sombre que BVS. J'ai trouvé que c'était l'humour gras habituel chez Marvel. Voilà la bande-annonce, j'ai pas vu un gros comment dire un gros cassage de ton entre les films d'avant et maintenant quoi. Moi, vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Ça Mais t'a sauté bon, aux yeux. Hein. Bon après c'est c'est. un sneak peek, hein. Il y a eu des sneak peeks, comme disait Fabien tout à l'heure, Oui sur le bien sûr. Suicide Squad avec des tons très différents donc, entre eux. Donc, il faudra voir ce que donne le prochain trailer. Hein. Après, c'est aussi un sneak peek qui est sorti pour la SDCC, où les Ouais, gens bien viennent sûr. pour s'amuser. C'est peut-être aussi pour ça. Donc, faut. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment, moi, c'est ce que je pense, c'est que c'est un footage qu'ils ont fait bah, avec le peu de scènes qu'ils avaient. Ils ont mis une musique un peu rock. Et je pense que c'est la musique si, qui rend le ton du footage un peu plus un peu plus gai, on va dire ça comme ça. Mais et du coup, au final, ça rend le tout beaucoup plus marvelien. On va dire ça comme ça. Mais bon. Voilà. Ouais. Ensuite, on a eu un trailer, mais pour moi, ça m'intéresse pas personnellement du nouveau Lego Batman. Vous l'avez regardé, les gars? Oui, j'ai regardé le trailer, ouais. Alors, bah, moi, j'ai pas vu de donne ton avis, je sais pas. Ceux qui l'ont vu. Bon, ça reste dans la continuité au niveau de l'humour de ce qui avait été fait pour pour Lego Movie. Bon, franchement, ça fait bien sourire, quoi. J'irai pas me précipiter au cinéma, mais Ouais. si un soir je me fais chier que j'ai pas de rencard Tinder, peut-être que du coup. Ce qui doit t'arriver assez souvent quand même, non? Ce qui m'arrive assez souvent, C'est vrai. ouais. Oh putain. Les autres, vous l'avez vu, vous avez... Non? Non, du tout. Moi j'ai bien kiffé. Le premier film Lego, j'avais bien bien aimé. Et je pense que peut-être que j'irai le voir. Ah ouais, toi t'es comme ça, toi. Bah, je sais pas, enfin, le premier film Lego m'avait bien fait triper. Hein. Moi je l'ai pas vu, je crois que j'avais coupé au début. Les gars, ouais? Spectra, vas-y, Il y a un enchaîne. blanc là, Bon, c'est alors pas je cool pour nos continue, du auditeurs là. coup. Ouais? Désolé les auditeurs et auditrices. Du coup, on a une première photo officielle de la Justice League, toute costumée. C'est quoi ton petit nom sur Tinder, si jamais il y a des auditrices qui te cherchent? Non, j'ai honte. Assume-toi, qu'est-ce que t'as? Non, mais c'est le même nom que sur Facebook, c'est Jason, mais. Jason dans la région Rhône-Alpes, c'est ça? Jason dans le 69. Bon, bref, la Justice League costumée. Je dis à toute sa vie qui fait des annonces en plein milieu de podcast. Wally, tu vas pas traiter ta chance aussi, non? Non, moi c'est bon, tranquille. Vas-y, Spectra, désolé, excuse-moi, on te nique ta réputation. Vas-y, continue. Non, j'ai plus envie de parler. Donc, les, la Justice League de DC, costumée dans une photo officielle, avec un Power Rangers rouge sur la gauche. Je ne vois... Ah oui! Qu'avez-vous pensé de leur look, chers camarades? D'après ce que je vois, moi en tout cas, je peux déjà dire que Cyborg ne servira à rien. Comme mais c'est comics. Pas la question, vas-y, arrête de faire, arrête de faire le fan de comics moyen que je déteste. Est-ce que tu aimes le look de Cyborg, Cédric? This non, is the question. Non, il est moche. Je n'aime pas Cyborg, donc je n'aime pas son look. Ok. D'accord. Et les salut, c'est quoi ça? Ouais, il y a un bruit bizarre. Ça y est, c'est parti. Et les autres, Cédric, t'aimes bien? On sent l'enthousiasme. Ouais, bah, oui, voilà. Enfin, je sais pas, on dirait des cosplays. Wonder Woman est pas mal. Ouais, Wonder Woman est très bien. Le costume ou... Ouais, non, non, le costume est sympa. Ouais. Ah. Bon, on faut en profiter, on voit un peu de couleur, là. On en verra plus dans le film. Donc, Non, moi, j'aime tous les costumes. Le costume d'Aquaman est pas mal quand même, hein, parce que c'était pas le plus évident à retranscrire. Ouais, du, coup, pas mal. Du coup, ils ont fait un costume qui a rien à voir avec le costume des comics, ils sont pas fait chier. Hein. Bah, t'aurais vu être un mec en tout orange fluo. Ah ouais, après, t'aurais dit putain, c'est quoi cette chiotte? Le gars, il a cosplay orange sur lui. Ils ont bien fait, hein. Ils ont bien fait, hein. Mais c'était pas possible de faire l'orange, quoi. Ouais. Je trouve qu'ils se sont trouvés à juste milieu, parce que l'orange, ça aurait été vraiment ridicule. Ouais, mais il a les cheveux longs quand même, hein. Ça nique un peu toute la représentation que je me faisais du personnage. Non? Mais non, car peu dans une époque, il a eu les cheveux longs. Commence contre, pas avec tes peu dents, toi. Commence pas avec tes peu dents. Par contre, il a toujours deux mains, et ça, c'est gênant, parce que durant la période où il avait les cheveux longs, il avait un crochet à la main. Sous Grant Morrison? C'est possible. Ouais, genre, Grant Morrison, il écrit à quoi même? Mais non, c'était Peter David. Ah, là là. Ah oui, c'était Peter David. Ouais. Ah là là, Fabien a voulu crâner, s'est fait soulever. Rien à voir. Je vais arrêter le podcast maintenant, je pense. Non, non, tu peux le faire, mais c'est juste quand tu connais pas, tu attends. Mais non, mais je t'ai sûr que. Non, je crois pas, hein. Ça me dit rien. Franchement, dans des DC animés aussi, à un moment, il avait les cheveux longs. C'est vrai. Et après, il a su quoi faire Après, ouais, ben ouais. Bah là écoute, moi tous les costumes je les kiffe, voilà, même Flash ça fait un peu un Injustice, mais bon c'est une première photo, donc je pense que le costume va s'améliorer. Mais il a pas d'éclair sur le côté, c'est bizarre. Pourquoi il a pas d'éclair sur le côté? Enfin on voit pas le côté vu que c'est de face, tu as pas commencé toi. Ouais mais normalement sur le côté, l'autre, celui de qui joue à la TV, on le voit sur son côté, c'est éclair, là il y en a pas, je suis déçu. Où ça? Ça gâche si, tout y le en costume. A un, mais il est vite teuf, mais là c'est une première photo, toi aussi là. Mais là, ils ont caché le personnage. C'est un podcast pro DC ou c'est quoi ce soir? Donc Doctor Strange, le costume il est fidèle, le gars tout est comme dans le comics. D'accord. Ok, bon, on va passer à la suite parce que ça va partir en couille sinon. Alors, Will Bill écrira le script d'Aquaman, un auteur surtout connu pour son travail sur la série Castle que tout le monde regarde. Tu connais pas? Non. C'est une série qui passe sur France 2. ouais, moi je trouve pas ça exceptionnel. Moi je trouve ça cool que DC embauche des grands noms. On aura sûrement un grand scénario comme ça, c'est vraiment chouette. C'est ironique? Bah, je sais pas, t'as dit qu'on avait pas le droit de dire du mal parce qu'on était un peu presque DC, donc je dis du bien. Parce qu'il y a bien, tu ne perçois pas l'ironie chez la personne. Mais ouais. Mais il y a, comment il s'appelle? James Wan, il a déclaré qu'il voulait importer un peu de son style dans le film, donc. En sachant que James Wan, c'est lui qui a fait Insidious, qui était à l'origine de Saw, comment ça s'appelle? Conjuring 1 et 2. Voilà. Ouais, bah après, tous ça, des c'est... films fort lumineux, spécialement non, non, apparemment, c'est des bons films, quoi. Bon, après, là, c'est un nom parmi un autre. Bon, c'est pas... Moi, ça me vend pas rêve, quoi. C'est pas comme si c'était James un mec Wan, qui avait... c'est un bon réalisateur, pour le coup, mais le scénariste, là, on le connaît pas, donc enfin, on jugera sur pièce, quoi. Après, Geoff Johns va quand même poser les bases du scénario, je crois, donc... Ouais. Ensuite, on a Kiersey Clemons qui va interpréter Iris West. Donc, je connais pas cette actrice. Bon, apparemment, il part sur le même schéma que la série TV, donc avec une Iris afro-américaine. Ouais, Donc du coup, ouais, il y avait trois actrices en lice. Il y avait Kiersey, il y avait donc Kiersey Clemons qui a le rôle, Lucy Boynton, et on a échappé à Rita Ora. C'est qui? Ritaura, c'est une chanteuse, non? Ouais, c'est une chanteuse. Ouais. Fait du, on aurait appelé ça du R&B dans les années 2000. Je vois pas ce que c'est. Franchement, je connais juste de nom. Ok. Ah ouais. Après, on a eu donc un petit trailer pour Injustice 2 et on a appris Attends, que. attends, attends, Putain, t'es tu en vas train où de sauter. Ah, En fait, Wally, non, mais il est j'ai en une fait heure sur j'essaie deux. en fait j'essaie de mettre du mettre du rythme dans l'émission, mais ça fonctionne pas en Là, fait. là tu mets trop de rythme. Là, je vais On trop voit que vite t'as là. pas participé à l'élaboration du conducteur. Donc, Ouais, un travail, tout ça. y a Julian Lewis Jones qui jouera dans le film Justice League dans un rôle qui est encore tenu secret pour le moment. Ouh, On se doute qu'il des va jouer un gros mystères. bourrin parce que dans tous les films dans lesquels il joue des gros bourrins. Donc, Peut-être jouer Darkseid. Je ne serais pas parmi les connus à cet acteur, mais moi je le connais pas. Ou Steppenwolf. Steppenwolf. Ou Steppenwolf, ouais. Il a joué dans quoi ce brave homme là? Invictus, l'aigle de la neuvième, je sais plus quoi. Ça a l'air pas mal comme film. Invictus, c'est le film Avec de. Morgan Freeman sur le rugby. Ouais, plus sur l'Afrique du Sud en fait que le rugby, mais il a joué dedans, Ouais. lui, ça me dit rien. Il était énorme Dans ce Zero film. Dark Thirty, Ah, ça je l'ai vu, mais ouais, je me rappelle l'aigle pas. de la neuvième légion. L'aigle. Ouais, ça je sais pas ce que c'est. Et dans Braquage à l'anglaise. Ouais, qui était un bon petit film Ok. avec Jason Statham. Ah, Jason Statham. Voilà, donc on m'a dit de fermer ma gueule, donc voilà, mettez du rythme les gars. Allez, Donc, et bien merci alors maintenant, beaucoup. Wally, tu On peux envoie, on passer envoie. aux news jeux vidéo. Et tu as Tout à oublié sur fait. le film Bad Girl. Ah oui, j'ai oublié. Oui, mais ça, c'est un petit truc. C'est le réalisateur de Drive et de Neon Demon, Nicolas Winding Refn, qui serait partant pour réaliser un film Bad Girl. Moi, perso, ça me brancherait bien. Ah, carrément. Par contre, il y a de la discrimination, parce que moi, les conducteurs, je reçois, j'ai pas reçu tout ça. Hein. Ouais, mais c'est parce Moi, que toi, t'es mauvais. y a un On mec a qui a voulu faire bien, il a mis des petites photos entre les news, mais j'ai pas toutes les news. le conducteur qu'on mérite. Et les chroniqueurs également, je crois. Ok. Bon, on va passer aux news de vidéo. Donc, on a eu un deuxième extrait. Il y a un bruit, c'est dégueulasse. Ouais, Wally, coupe ta clim. Non, c'est même pas moi. Non, la clim, je l'ai coupée en plus. Je sais pas. Donc, un deuxième extrait pour Injustice 2 que je n'ai pas vu. Et on apprend donc que Tom Taylor va écrire le comics. Donc, il y aura Il un va comics reprendre le Injustice 2. comics. Ouais, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui suivent. Ouais, Ouais, carrément, carrément, il faisait carrément du bon boulot au début d'Injustice. Après, c'était Buccellato qui avait repris. sur la fin, ouais. C'était clairement en dessous hein, de ce que faisait Tom Taylor. D'accord. Il sort quand le jeu? On a eu une date ou pas? Je pense pas. 2017, je crois. D'accord, Ouais. donc t'es prêt, Vinci, on fait comme on a dit, hein. 2017, on l'achète tous les deux et puis on fait comme d'habitude, quoi. Je te Ouais, tu te défonce. fais défoncer pour une Je te clim. défonce, ouais. Mais t'auras même pas de PS4, qu'est-ce que tu fais le malin? Non, mais c'est bon, là, je l'aurai en octobre, hein. Elle sort en octobre, la nouvelle. Eh, tu vas l'acheter. Ouais, je vais acheter, j'ai eu les sous de mon anniversaire, je les ai mis au frais, et c'est bon, dès qu'elle sort, c'est parti quoi. PlayStation 4, avec Injustice 2 et Batman Arkham avec les DLC. Tout est calculé. Ok, Super. bon, on va passer aux séries TV, Vinch. Donc, Ouais. Alors, préparez-vous à une avalanche de news sur les meilleures séries que la CW n'a jamais pu faire. Alors, on commence avec le top du top, Arrow. Donc, John Barrowman qui joue encore ce con. Il joue Merlin, l'archer noir. Donc, devient régulier dans toutes les séries de la super-héros de la CW. Donc, c'est lui qui pourra apparaître forcément dans Arrow, dans Flash, y a quoi d'autre comme Meurtre cette chaîne? Y en a Dans pas beaucoup en même temps, Supergirl hein. et Ouais. dans Légende. Donc il pourra jouer le lien un peu de tout le monde. Donc j'espère que ça fait plaisir à tous les fans du personnage qui avait, je rappelle, essayé d'écrire un Par comics. contre, le but de faire un podcast d'essai comique, c'est que ce soit les gens qui aiment qui nous écoutent. Donc, Oui, mais qui aime ces séries, franchement? Qui peut aimer ces séries? c'est pas pour faire un podcast avec des traîtres qui se moquent de DC toute la soirée. On est bien d'accord. Quand ils font de la merde, il faut le dire. Oui, mais tu n'aimes pas, tu vois? Non, c'est vraiment à chier quand même. Bon, moi aussi, j'aime pas Arrow. Mais après, il y a des gens sûrement qui nous écoutent et qui aiment. Donc, un peu de Je ne respect, pense pas. bordel de merde. Je ne Ouais, pense pas. ils écoutent plus maintenant, je pense. Hein. Putain, c'est alors, fou, ensuite, nous quoi. avons Legend of Tomorrow. Donc, la Société de Justice devrait apparaître dans l'épisode 2 de la saison 2. Ensuite, il y a été teasé qu'il y aurait la Légion of Doom dans la saison 2. Donc, Ouais, ce serait un normalement. peu l'ennemi de la saison, en fait, non? Voilà, normalement, si tout va bien. Pour faire mieux que l'ennemi précédent, qui Là, était... attention, Léa. Ouais. C'était qui l'ennemi précédent? Vandal Savage. Vandal Ah ouais, Ah c'est ouais, ça. c'est Là, moment épique. Donc, il y a trois noms en anglais à donner et c'est Vince qui s'y colle. Alors, nous avons Woman, Voilà. Jungle et Midnight. Ah, il en a fait deux sur trois quand même. Woman, ouais. Howerman? Tu veux dire Hauerman? Je pense que je Howerman, suis ouais. pas Pas trop loin de mal, la vérité. Wally, pas mal. Ouais. Howerman, voilà. Ensuite, concernant Flash, nous avons une photo du nouveau Flash de Star City. Kid Flash, en fait. Non, Flash. Car si tu as lu Ah, moi je veux pas me faire spoiler, j'ai pas trop lu en fait. Donc fais gaffe à ce que tu vas dire. Je sais qu'il y a Flashpoint qui arrive. Mais c'est pas Flashpoint, putain, faut pas appeler ça Flashpoint, c'est une insulte de dire que c'est Flashpoint, putain de merde. On dirait Flashpoint, c'est un chef-d'œuvre, tu sais. Ben, c'est beaucoup mieux que ce qu'il a assez de lui a prévu en tout cas. Tu l'as pas vu, Si, calme-toi, redescends. ils ont expliqué le pitch. Quand tu lis le pitch, et ben c'est pas Flashpoint. Il y a pas de guerre, il y a putain de flash jaune. Ok, ça passe, c'est Kid Flash. Comment avez-vous trouvé le costume? Bah, Bon, il est moi jaune je quoi. regarde pas les séries, mais le costume il est pas mal. Il est jaune, Ouais, il est ça, pas mal. ça va, moi ben je voilà, trouve. il est proche quoi. Ouais, il est proche, il est fidèle au. Sauf le bas, je sais plus quelle couleur il est le bas, mais c'est vrai que cuir rouge ça passe encore. Parce que je pense tout jaune, il aurait eu l'air un peu con. Moi je Bah, je pense préfère même rouge, que. rouge pétant hein, normalement. Ouais. Donc là je trouve ça va, ça passe. Ouais, je trouve que c'est pas trop fidèle au comics du coup, si c'est pas rouge pétant. Je Non, je préfère ce rigole. Donc. costume-là à celui du Flash du film Justice League. Hein. Tu Ah préfères? ouais? Ouais. Ouais, mais Mais du il coup, est il est très pas fidèle. cuir, Il est Cédric. pas fidèle à ta vision du personnage, Cédric. Non? Moi, je vais aller faire des podcasts avec Comics Blog. Non, j'ai pas raison. Enfin, je sais pas. Bah... Je sens un paradoxe chez toi. Flashpoint, paradoxe, tu l'as? Ouais. Ouais. Elle était poule. Ah, la vache. De baisser mon niveau pour être compris du plus grand nombre, mais des fois, évidemment, c'est pas terrible. Ouais, donc Cédric? Non, j'ai rien d'autre à ajouter. J'aime bien le costume. Ouais, d'accord. Donc je pense que je vais Alors. mettre à regarder la série Flash. Ça a l'air trop bien. C'est pas trop mal, franchement c'est pas trop mal. C'est la dernière que je regarde moi La merde. sur CW, c'est la dernière que je regarde. Alors ensuite, nous avons eu un petit pitch. Donc, si comme Wally, vous voulez vraiment rien savoir du tout, même pas les 3 premières minutes de l'épisode, bouchez-vous les oreilles. Donc, on a appris que Barry vivra tranquillement sa vie depuis un an dans la nouvelle timeline, et qu'il aura appris à vivre avec ses nouveaux amis. Et nous devrons apprendre tout petit à petit à voir comment tout cela a évolué. Mais en tout cas, il va très bien et visiblement, il n'est plus Flash et un nouveau Flash est apparu à Central City. Voilà donc les bases pour ce Flashpoint. Ouais, pas mal. Épique. Pas mal. Ah, mais t'as Bah écouté? ça Ouais, donne j'ai envie écouté, un ouais, peu j'ai quand écouté, même. j'ai écouté. Bah ouais, ça donne envie, c'est une adaptation, quoi. C'est pas fidèle au Ouais, mais truc, ça et en s'appelle même pas temps. Flashpoint parce que Flashpoint c'est un Me arc, c'est quelque casse pas chose, ça les s'appelle pas machins. Flashpoint. Oui, mais en même temps, sur CW, ils ont pas un budget, ils vont pas détruire des villes. Enfin, je sais pas, c'est. Enfin, je sais pas, tu veux faire comment? Ils ont Bah adapté faut le pas truc? appeler ça Flashpoint, faut dire qu'il a simplement retourné dans le passé pour Ouais, sa mais mère, si c'est pas les t'appelles pas Flashpoint. ça Flashpoint, t'as des mecs qui vont dire ah, c'est quand même bien copié sur Flashpoint, ils se sont pas fait chier, Bah tu non, il est juste retourné dans le passé et après ça n'a plus rien à voir. vois. Ouais. Bah Donc attends, non, faut que la CW ait un peu de thune là. Tu crois que c'est pourquoi qu'il tourne à Raw depuis 2 ans là dans une cave et dans la même sempiternelle Alors ensuite, nous partons sur la Fox avec Gotham qui en est à sa troisième saison. Nous avons appris que la Cour des Hiboux sera présente donc dans cette saison 3. Ensuite, nous avons Monsieur Bénédicte Samuel qui sera le Chapelier Fou. Je ne sais pas du tout qui est cette personne. Je sais pas si vous le connaissez ou pas, si vous savez ce qu'il a fait. C'est un homme Non. bien. Okay. De toute façon, Ensuite, toi, nous si le avons. mec il a pas été dans One Tree Hill ou dans je sais pas quoi, tu connais pas. C'est tout Voilà, c'est ça. ton domaine. Ben, en fait, j'ai tapé sur Google, je n'ai rien trouvé, donc je me suis dit, il ne doit pas en faire grand-chose. Mais c'est pas grave, il jouera avec Chapelier Fou. C'est peut-être quelqu'un qui a un grand talent sur les planches, on ne sait pas. Ensuite, nous aurons quelque chose qui a été teasé. Gordon devrait évoluer vers un personnage clé de l'univers DC. Donc, on ne sait pas vraiment qui il sera, mais en vue de ce qui s'est passé dans la saison 2, ce ne sera sûrement pas le commissaire Jim Gordon, car lui est parti à tout jamais. Ça fait peur, hein, par contre, comme news. Là, j'avoue, Ben... là, j'avoue, là, je suis pas serein. Là, c'est chelou. Ensuite, nous revenons vers la CW avec Supergirl qui arrive en octobre, je crois. Revoir ses Elles copines. arrivent toutes en octobre, je crois. Ah, même Legends of Tomorrow cette année. Oui. Donc ok, donc nous aurons Ian Gomez, et lui quand j'ai tapé sur Google j'ai trouvé, il a joué dans Cougar Town, je sais pas ce que c'est mais en tout cas il a joué dedans. Et si c'est avec Courtney Cox. Voilà. Ouais, Courtney Cox, C'est la possible. série qui a suivi, c'est la même série que les producteurs de Scrubs en fait, qui Ouais, a c'est suivi. ça. Ok, je sais pas si c'est bien ou pas, mais donc en tout cas, il Non, vient de c'est là pas terrible. et il jouera Snapper Carr, un vilain dont on s'en bat les couilles vu qu'on sait pas qui c'est. Quelqu'un connaît Snapper Carr? Non. Non. Fabien, Non. apparemment, tu as des connaissances au-delà de l'entendement. Tu connais ce mec? Mais l'acteur? Je pense pas que ses parents l'aient appelé comme ça quand même. Non, c'est un personnage, non? Yann Gomez? Non, Snapper Carr. On Ah, parle de Snapper qui? Carr, Vous ouais, voulez. c'est son personnage. Ouais, Ben c'est oui. bah ouais, c'est le personnage, c'est le vilain dans l'univers DC, mais je ne connais pas du tout. C'est pas. Voilà. C'est Grant Morrison qui l'a fait, je crois. Dans Aquaman, non? Ça doit être ça. Ensuite, nous avons pour finir côté casting Floriana Lima qui jouera Maggie Sawyer qui est un flic qui sera anti-humain. Et donc Maggie Sawyer qui est connue vu qu'elle a été dans le Superverse et dans le Badverse comme flic à Gotham et à Metropolis. Je pense qu'elle, vous la connaissiez tous. Non. Non, Non, pas moi. Maggie Ok. Sawyer? Ouais. Oui, quand même, ouais. Bon, on la voit pas mal Voilà. dans dans C'était la le. meuf à Batwoman. Ouais, c'est vrai, elle est sortie avec Montoya et avec Batwoman. Il dit pas que de la merde, le Fabien, quand même, hein? Et donc, pour les autres séries, nous avons eu un superbe poster de Powerless. Et je suis très déçu car sur mon conducteur, je n'ai pas le poster de Powerless. Tout à fait. Cédric, Ouais, désolé. j'attends de l'explication. Alors, C'est vrai que c'est tu pas as sérieux, failli. Cédric, hein, putain. Snapper Carr a fait partie de la Justice League et il est très connu parce qu'il a trahi la Justice League. Il a été créé dans les années 60. C'est un vieux Ah, personnage. c'est bon, il va Et trahir. à quel moment a-t-il été réutilisé depuis les années 60? Ah, il a été utilisé dans Checkmate il y a peu par Greg Rucka, notamment. Et il était aussi dans la série 52. Ok. Voilà. C'est un bon. Merci. Merci Wiki. Merci Wiki. Ça fait Merci plaisir. Wiki. Merci Wikipédia. Et on continue avec les news comics BS avec Cédric. Oui, alors Merci les à sorties tous. du mois d'août. Salut. Au mois d'août, on aura Batman et Robin tome 5, la suite de la série de Tomasi. On aura aussi Batman Cult, le run ultra ultra classe de Jim Starlin dans les années 80, à ne pas Mais tu l'as manquer. mal dit, c'est culte. Batman Cult, pardon. Non, là c'est culte parce que c'est CULT. Oh, ta gueule, Sinon, on c'est aurait tout dit fait exprès. CULTE. Tu vois? Voilà. Et enfin, ça, c'est vraiment à ne pas manquer. C'est un des meilleurs, Batman qui ait jamais été fait, et, un des rares travaux de Jim Starlin chez DC, mais qui vaut vraiment le coup. Et enfin, nous aurons également au mois d'août les archives de la Suicide Squad, le premier tome. Donc ça, c'est la Suicide Squad 1987 par John Ostrander. Excellent aussi, bien meilleur que ce qu'on a en ce moment Il paraît, ouais. sur la Suicide Squad. Il paraît, ouais. Bon, ben, on va basculer directement sur les news comics VO, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans news comics VF. Il y en a qui se sont pas foulés. Alors, Il y avait rien, ça fait le gars qui n'a rien fait dans le truc de conducteur, pareil. Non, mais je dis ça, ouais, alors, rien Si, fait, c'est il y a la sortie en intégrale de Green Lantern. Ouais, mais ce sera pour le mois prochain, vu on fait le podcast justement au moment où ils balancent leur planning, c'est con. Ok, On d'accord, il y aura le planning ouais. Je fais du en teasing. intégrale le mois prochain. Alors, donc il y a eu la San Diego Comic Con, vous êtes au courant? Bon, il n'y a pas eu Non. grand-chose de ouf, hein. Donc je vais citer un peu deux, trois news qu'on a eues à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Donc on a eu les chiffres de vente du mois de juin, donc on a 7 titres DC dans le top 10 et 15 dans le top 20. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas vu après comment ils se placent DC par rapport à Marvel, mais je pense qu'ils sont quand même derrière. Je pense pas qu'ils Ouais, soient passés largement, ouais. Largement. Mais parce que Largement. Marvel a sorti presque deux fois plus de titres que DC aussi. D'accord, très bien. Bon bah voilà, Batman c'est toujours le titre qui se vend le mieux et DK3 marche toujours aussi bien. Bon, j'ai envie de dire c'est la routine. Ouais, non, c'est pas la routine justement, parce que DC, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu autant de titres dans le top 10. Hein. Ouais, Là, non mais le je parle Rebirth. Ah, quand pour je dis ça Batman, c'est oui. pour Batman, ouais, je parle pour Ouais. Batman. Mais les deux meilleures ventes DC, c'est Batman Rebirth et Batman numéro 1. Après non c'est clair que ça fait plaisir pour le reste. Ouais. Ensuite on a appris donc ça c'était à la DCC qu'il y aurait un one shot spécial. J'allais dire Volkswagen parce que t'as mis W sur le conducteur. Oh putain la drogue. Sortira donc en octobre pour les 75 ans de WW. Et donc on aura plusieurs artistes dont Raphaël Albuquerque et Jim Lee. Ensuite on a une news comme quoi donc on aurait un nouveau Batman TMNT mais en comics mais ça concernerait plus le Batman TAS ainsi que les Tortues Ninja dessins animés en fait. Donc ce serait assez différent de ce qui a déjà été fait. Ouais, tant mieux alors. Parce que Ouais, c'était pas très bon. moi dans les deux cas ça m'intéresse pas. Ensuite, on apprend que ça c'est super. Gartenis va écrire un titre, Satana et Diabolo, chez Hanna-Barbera. Ça c'est quand même la super classe. Mais tu rigoles, Ça, mais là c'est totalement ironique, ouais. le renouveau de la gamme Hanna-Barbera cartonne, hein. Sérieux? Ah ouais, ça marche très fort, hein. C'est quoi Hanna-Barbera? Scooby-Doo, les sous du volant, la Les fête du pierres à fer à feu, feu. truc Ah oui, super d'accord. sexy, tu sais. Ouais. Mais ça marche très fort, hein, les nouveaux Et titres. DC a quand même gagné 5 parts de marché grâce à ces titres, alors fais pas le malin. Mais genre, c'est combien dans le top 20, genre les pierres à feu, tout ça, tout ça? Ah, Sont numéro on les 3. non. Non, on les a pas encore, les chiffres de vente, ce sera pour les mois de juillet, mais ça marche très bien apparemment. Et Scooby-Doo, c'est aussi bien que ce que j'en vois, que ce que je lis ou pas là? Enfin, parce que j'ai vu pas mal de sites qui disaient en bien de Scooby-Doo. Ah, mais moi j'ai lu aucun des titres Ah, Hanna-Barbera, ça ne d'accord. m'intéresse pas, Mais mais. franchement, D'accord. tu peux me le vendre très très fort, Scooby-Doo, je ne lirai jamais de ma vie, ça m'intéresse pas, quoi. Tu vois? Et si on met Batman dans le truc, Mais tu lis ou pas? ça À la te rigueur, surprend pas qu'un tu. auteur comme Garth Ennis se mette à écrire Satanas et Diabolo? Ça me surprend, ouais, C'est je sais pas, un mais. auteur réputé mature, c'est quand même le mec qui a fait Preacher, et il va faire un truc a priori pour les enfants. Bon, en l'occurrence, la nouvelle gamme Hanna-Barbera est très, très adulte, mais quand même. Bah écoute, tu me dis, tu mets un Batman avec un arbre, avec les pierres à feu, je te dis ouais, si t'enlèves les pierres à feu, ouais, je dirais le Batman, ouais. Mais sinon, non, ça ne m'intéresse pas. Après, autant c'est génial, hein, je veux pas, mais bon, non, moi, ça me dit rien, quoi. Ensuite, on apprend que Joelle Jones devient artiste exclusive chez DC. Alors, je sais pas c'est qui cette brave femme, elle écrit quoi? C'est une dessinatrice qui a fait Lady Killer Ah. chez Dark Horse, qui est un super titre. Elle a D'accord. beaucoup de talent et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour DC. D'accord, ok. Là, tu vois, tu m'apprends un truc parce que je connaissais pas cette personne. Ensuite, on apprend que Jason Fabok, pardon, va bosser sur le numéro 1 de Suicide Squad en artiste invité. Je crois qu'il y avait Jim Lee dessus, non, aussi? Ouais, il dessine les dernières pages, Fabok, parce qu'à mon avis, Jim Lee n'a pas eu le temps de finir. Ouais, comme d'hab. Non, Et. ils ont annoncé qu'ils feraient des mini-numéros. En fait, ce sera genre 15 pages du numéro normal. Et chaque mois, il y aurait les 5 dernières pages ou 6 dernières pages qui seraient par un artiste invité. Ce serait une sorte de backup. Ouais, c'est parce que Jim Lee n'arrive pas à faire les 20 pages en un Et mois. Hein. ouais, aussi, aussi. le truc le plus fou que j'ai appris à la SDCC, c'est que Jim Lee, il s'est reproduit 9 mois le mec. 9 mois, 9 fois. Le mec, il a 9 gamins. Il a 9 gamins. Il a grave envoyé du gras quand même. Vous imaginez 9 gamins? Mais c'est lui, c'est ces gamins qui dessinent. Ouais, oh, c'est petit le cliché sur les Chinois qui travaillent à la chaîne, hein. Surtout que c'est un Américain, je crois, d'origine japonaise, non? Ou, enfin, j'en sais rien. Enfin, je sais même pas en fait d'où il sort ce mec-là. Mais 9 gamins, ouais, c'est costaud quand même. Bah quand tu vois sa femme en même temps, Ah, tu l'as vu sa femme? Elle est sexe ou non? J'ai vite fait une photo, ouais, elle avait l'air quand même pas mal, hein. Ah ouais? D'accord. Ouais, bah Je suis un putain. gros chien en ce moment, je vais me calmer. Il y a une application pour ça. Ensuite, j'en suis où? Ok. Ensuite, donc, on va avoir notre Batman Day le 16 septembre. Ah ouais, elle est pas mal son chapeau. Qui c'est qui renifle encore là? C'est fini, les gars? C'est quoi ce bruit bizarre? Ensuite, donc, On est tous sur la femme de truc, c'est pour ça. ça doit être ça, ouais. Donc, le 16 septembre, donc, pour le Batman Day, je sais pas si c'était le même jour l'année dernière. En tout cas, cette année, ce sera ça. Donc, le Batman de Tom King numéro 1 sera offert, donc, dans tous les comic shops. T'es déçu ou pas? De quoi? Toi qui voulais spéculer à mort sur le Batman numéro 1. Mais je l'ai acheté, mon pote. Oh, mais tu voulais spéculer et le vendre à fond après. Là, c'est foutu, hein. Ouais, Ouais, mais il a non, mais une première. moi c'est le official first printing, hein, Voilà, c'est tu vois ça, le il a une délire? first printing. Le mec, il a qui se la pète. Moi j'ai prévu le coup, j'ai tout commandé chez Bruno. Je suis opérationnel. Superman Rebirth, Batman Rebirth, Flash Rebirth, le numéro 1. Voilà, tranquille. Et Dans 10 ans. dans 40 ans, tu vas les revendre 20 dollars. Youhou! Non, mais s'il y a moyen de les revendre plus, tu vois. Mais ouais, mais S'il y a des fans qui seraient prêts à donner une fortune, moi je veux bien leur faire plaisir. On sait jamais. Mais bon, je pense pas, je pense que je vais les garder. Je vais les garder, ouais. tu disais quoi pour Green Lantern Zero? Ouais, Green Lantern Zero, par contre, les chiens qui le vendent 50 euros sur Internet, c'est un scandale quand même. Ok, bon, alors ensuite on va finir, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de news, il y a eu plein de panels par contre, mais bon les panels ça spoil un peu, ça donne deux trois idées d'arc à venir, donc c'est pas très intéressant en fait, donc on a préféré ne pas en parler, surtout Cédric en fait, vu que c'est lui qui a fait le conducteur, donc on a un truc intéressant, c'est qu'à partir du 9 de Batman, Tom King va se recentrer un peu sur 2-3 plots qu'il y avait dans DC Universe Rebirth, donc avec en partie l'identité du Joker. Donc voilà, il y a ça, et aussi pareil, on a appris par rapport aux sollicitations que c'est dans un numéro de Flash qui va venir là. Je crois que c'est le 6. Que bah, là c'est pareil, ça va faire un peu avancer l'intrigue qu'il y avait donc dans DC Universe Rebirth. D'accord. Vous avez vu ça ou je suis tout seul? Ça, j'ai pas vu. Moi, j'essaie d'éviter les sollicitations le plus possible pour pas me faire. Ouais, je sais pas si je peux le dire. Il y a deux personnages qui vont se rencontrer dans le Flash 6. D'accord. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Ceux qui ont lu ou qui suivent la série, ils vont comprendre. À noter que je crois que pour suivre vraiment l'intrigue de DC Universe Rebirth, il va vraiment falloir lire la série Titan, quoi, parce que Wally West, il est dedans. Et donc, ça va être sa mission. Donc, et elle est très bonne comme série. Donc. J'ai pas encore commencé, je vais m'y mettre incessamment sous peu. Avez-vous des choses à rajouter? Où on laisse Vinch et sa section. Allez, Vinch. Vinch, c'est à toi. Ouais. Green Lantern, donc, j'ai vu ce mois-ci. Ouais. Voilà, le retour de Hal Jordan en français. Donc, pour rappel, le pitch, ben, donc après que Hal Jordan soit devenu Parallax, qu'il soit mort, qu'il soit devenu le Spectre, ça va nous raconter son retour. Et donc, c'est le tout début du run de Geoff Johns, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc, c'est ce qui se passe au tout début de tout ce qui a déjà été publié. C'est Rebirth, c'est Green Lantern Rebirth. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, perso, j'avais déjà lu à l'époque, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé relire ça. C'était. Je sais même plus qui est-ce qui écrit. C'est Van Scriver qui est au dessin, non? Ouais. C'est ça. Ouais, donc toujours. C'est toujours aussi beau ce qu'il a fait. Et franchement, ouais, j'ai passé un bon moment. Maintenant, c'est un peu culte, mais je veux dire, je l'ai déjà lu et relu. Donc. Moi, je l'ai découvert là. J'ai kiffé, c'est solide, je l'ai lu vraiment d'une traite. C'est vraiment intéressant. Pardon? C'est un bon récit, maintenant, ouais. Moi, je suis moins enthousiaste, vu que je l'ai déjà lu plusieurs fois, mais c'est vrai que ça me pose bien les bases, etc. Et, mais quoique, quand je l'ai lu, j'aurais quand même bien aimé lire ce qu'il y a eu juste avant, quand même. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai découvert l'univers de Green Lantern avec Rebirth, avec ce numéro-là. Et c'est vrai que c'est ardu pour quelqu'un qui connaît pas bien l'univers. Et même savoir l'histoire avec Parallax, c'est quoi? C'était quel titre? Emerald de quelque chose, hein? C'était dans Emerald Twilight, Emerald Dawn, je pense, et ça se finit dans. Putain, j'ai oublié, c'était un événement super con où il pète les plombs et il veut refaire la réalité, et c'était. Putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ça, c'est pas sorti en France? Non. Si, c'est sorti en VF, je pense, il y a super longtemps. Ah, il y a longtemps. Mais genre en kiosque à 600 euros sur eBay, quoi. Ouais, ou alors sur certains sites très, très pratiques que tu connais, il y a moyen de les avoir. Ah ouais, on scanne à l'arrache. Voilà. Ouais, mais pour ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parlais vraiment pour avoir une belle collection. Collection pour le moment, ouais, c'est pas sorti. En fait, je dis de la merde parce que ce qu'il y avait avant, c'était pas Geoff Johns. Donc en fin de compte, ouais, ok. Mais bon, c'est vrai que je vais essayer de les choper en scan du coup, pour bien tout comprendre. Hein. Moi, j'ai un pote qui me disait ça, il s'y est mis aussi là, et c'est vrai qu'il aurait. Tu peux passer outre, mais c'est vrai que ça aurait été cool de savoir ce qui s'est passé juste avant. Ouais, ça aurait été un plus, quoi. Ouais, ça aurait été un plus. Bah, moi, j'ai surkiffé ce numéro-là. Donc, du coup, j'ai commandé la fin du run de Geoff Johns. Donc, j'ai pris les Geoff Johns présent de Green Lantern. Il manquait les deux derniers. Et également les deux derniers dans la collection Lufty 2 Green Lantern. Donc, là, un de ces quatre, je vais me refaire tout le run. J'espère que ce sera cool et qu'il n'y aura pas trop d'incohérences. Mais je pense pas, c'est assez solide, non? Il est solide. C'est Johns qui a tout fait. Donc, c'est un très, très bon run. Maintenant, j'attends qu'Urban sorte le run de Green Lantern Corps par. Ouais, tu vas attendre quelques années, non? Ouais, je pense, ouais, que c'est pas dans leur plan. C'est dommage parce qu'il est vraiment très bon aussi. Mais après, on peut le dire, hein, tout à l'heure, ce qu'il disait Fabien, là, donc ils ont annoncé qu'ils vont sortir 5 grosses intégrales où ils vont tout republier, tout Green Lantern, donc toute la collection par Geoff Johns, donc qui démarre à Rebirth, je crois. Ouais, ça part de là. Et qui va jusqu'au tie-in de Brightest Day, si je dis pas de bêtises. D'accord, donc ils continuent pas après ce qui a été fait dans les New 52. Non, ils repartent en intégrale. Du coup, nous, vu qu'on a pris l'ancienne collection, on est un peu dans le cul parce que moi, je vais pas acheter un tome 5 inédit avec une collection où j'aurais pas les 4 premiers. On est d'accord. C'est pas ça ma vie. On est d'accord. On est d'accord ou on est pas d'accord? Je sais pas. Moi, je pars du principe que ce qui on est d'accord, ils doivent baiser. Avoir des jolis livres dans la bibliothèque, je m'en fiche un peu. C'est des bonnes histoires, donc ça vaut. Moi, je m'en fiche pas parce que moi, ma collection, elle est unique. Il y a que du DC. Et sur un autre bout de bibliothèque, il y a les titres Valiant de Flo. Donc moi, j'ai une collection, elle est uniforme. Je veux pas avoir un tome 5 qui sort de nulle part, en fait. Ah ouais. Non, je te comprends, mais bon, moi, je vois pas les choses comme ça. D'accord. Tu vois mal les choses. Donc du coup, en fait, ça commence en 2016 et ça va finir en 2018. Donc courage. Voir 2019. Courage, les gars, voilà. Ouais, si ça, c'est... oui. Donc, du coup, il y avait un gars sur internet qui disait un truc pas bête, c'est assez rare, je le souligne quand même, qui disait ouais, les gens qui ont soutenu le titre qui se vend pas, ben, ils vont l'avoir dans le cul et c'est les mecs qui vont débarquer comme ça du jour au lendemain qui vont avoir la collection en entier. Ah, c'est souvent le cas. Hein. C'est triste, mes amis. Ouais, okay. Parce qu'ils ont pas voulu rééditer deux putains de livres. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'au début, quand ils sont arrivés, Urban, ils avaient quand même une politique, je me rappelle, ils sortaient des titres que sortait Panini, et ils les sortaient dans le même format que Panini, dans lequel Panini les sortait. Et ils les ressortaient, eux, dans leur format dur pour ceux qui commençaient la série. Donc là, apparemment, ça, c'était bien au début, mais maintenant, ça les intéresse plus de faire ça. Ça s'est perdu. Ouais. Ok, on va... Tu en as rajouté, les gars ? Non. Non. Non. Non, non, moi, de toute façon, je lis que du Venditti sur Green Lantern Nova, ça m'intéresse. Ouais, bah ouais. On va passer au gros bouquin du bois. Donc Crisis on Infinite Earth, donc le truc culte pour un paquet de monde. Donc moi, avant de l'acheter, j'étais pas serein parce que les dessins, ça m'a fait flipper. Ouais, Georges Pérez quand même. Ouais, mais c'est 85, c'est ma date de naissance. Hein. Ah ouais, donc mais Georges Pérez. T'es vieux. Ouais. Et du coup, donc ça, on m'a dit que c'était génial. Donc du coup, quand on me dit que c'est génial, généralement, je m'attends vraiment à un truc énorme et je suis souvent déçu. Donc je l'ai lu et en fin de compte j'ai ultra kiffé. C'est vraiment génial comme histoire, même si c'est daté et que les dessins, bon, je trouve que ça passe encore, mais bon, c'est quand même un peu vieux. J'ai pas trouvé la narration trop lourde comparée à d'autres titres de cette époque ou un peu après que j'ai lu. J'ai trouvé ça vraiment ultra riche et ouais, vraiment génial du début à la fin. Tu es pas un grand connaisseur, je pense, de ce qui s'est passé avant. Ça t'a pas gêné? Non, je suis rentré vraiment. Avec le multivers. Non, bah après, il t'explique comment ça a été fait le multivers. Bon, après, le concept en lui-même, il est pas très compliqué. Après, voir la création, ouais, c'est vrai que ça, c'était super intéressant. Après, l'interaction de tous les personnages. Ouais, je me dis, le mec qui écrit ça, c'est quand même un putain de génie quand même. Il y avait du monde dans sa tête quand même. Parce que c'est colossal, quoi. Toutes les répercussions, les liens entre les personnages. Ouais, le mec qui écrit ça, je pense qu'il a pas écrit du jour au lendemain. J'ai trouvé ça, voilà, donc super génial, donc je le conseille à tout le monde. Jusqu'à maintenant, mon bouquin préféré, c'était Identity Crisis, et ouais, je mets celui-là devant, en fait. Celui-là, il est vraiment cool. J'ai acheté Crisis Compagnon, je l'ai pas lu, j'ai dû quoi dire, j'ai dû lire 10-15 pages, mais bon, ça attaque en 1965, là, ça pique les yeux et ça pique la tête, parce que là, la narration, elle est vraiment, vraiment à l'ancienne. Je sais pas si vous l'avez pris, celui-là. Ouais, pour le coup, c'est vraiment chouette ce qu'a fait Urban en sortant le Compagnon, mais il faut le lire avant de lire le Crisis, parce que ça pose justement toutes les bases... Pour bien comprendre la crise, quoi. Bah, moi j'ai fait l'inverse parce que moi je casse les normes. Non, mais justement, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure parce que ouais. tu as quand même apprécié sans avoir les bases, donc le compagnon est peut-être pas nécessaire. Bah, c'est ouais, un joli livre. Hein. Le compagnon il est pas nécessaire. Je te dis, l'histoire elle démarre normalement. J'ai lu pas mal de trucs qui sont passés après, donc je suis assez familier des personnages. Les morts qu'il y avait, je le savais. En même temps, Urban, ils sont un peu cons sur la première page déjà, ils t'en mettent un ouais. Sur la couverture. Mais non, ça m'a pas gêné quoi. Peut-être parce que j'ai lu des trucs après, du coup, je connais les personnages, je connais un peu leur histoire. Mais non, ça m'a pas gêné. Mais le Crisis, par contre, ouais, le Crisis, il pique un peu quand même. Hein. Je vais le lire, mais je pense que je vais mettre plus de temps que le Crisis. Le Crisis, il est passé cool, il est passé crème. Ah, tu veux lire le Compagnon, et il est un peu dur à lire, pas le Crisis. Ah oui, voilà. Non, le Crisis, il passe crème. C'est le Compagnon qui est un peu plus dur à lire quoi. Ouais, parce que ça reprend les histoires majeures qui des années 60 dedans. Et 70. Ouais. Parce que là, c'est du genre... Donc, t'as Batman, il y a le méchant. Alors, en haut, dans le paragraphe jaune, là, je sais pas comment ça s'appelle, il te dit Batman trouve le méchant. Après, t'as Batman avec la bulle de pensée. Et Batman, il dit « Oh là là, il est méchant ». Et après, en dessous, il y a la bulle où il parle, il dit « Oh putain, lui, il est méchant ». Tu vois le délire? On en avait parlé de ça avec Vinch. C'était sur quoi, Vinch, qu'on en avait parlé de ça? Vinch? Il est muté. Ouais, c'était sur Batman, la légende du Chevalier Noir, et Flash, la légende aussi, je sais pas quoi. Ouais, c'est un Flash, la légende. Putain, je l'ai même pas fini celui-là encore, tu sais quoi. Et ouais, donc ouais, Crisis, je conseille à tout le monde. Ouais, moi, j'ai commencé par les New 52, j'ai lu un peu tout ce qui est sorti chez Urban, et je l'ai compris sans souci, quoi. Et c'était vraiment, vraiment génial. Donc, du coup, je vais me refaire Infinite Crisis. Voilà. Parce que je pense que là, je vais mieux comprendre, je vais plus apprécier, même si le tome sur Rantanagar, je vais le zapper direct. Le tome sur la Ligue des Ombres, je vais le zapper direct. Donc je crois que je vais faire 1, 4 et 5 en fait. Ouais. Non? Là, oui, la guerre Ratanagala, tu peux la zapper, enfin, Ouais, je veux ça sert dire. à rien, voilà, ouais, donc là. J'avais commencé à la lire, c'était chiant et c'est vraiment pas intéressant. Moi j'ai coupé Villains United, pareil, j'ai coupé la Ligue des Chouettes, là, ça m'a saoulé, Je donc. trouve ça sympa, moi, perso, la Lila là, avec la si. Allez, comment ça s'appelle encore les... Pas les Sinister Six, mais. Non, ça c'est chez Marvel. Ouais, je sais, l'équivalent, enfin, je Tu dis n'es pas pas la Ligue. loin, les Pas la Secret Six. Six. Secret Ouais, les Six, Secret Six, voilà. m'enfoiré, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça encore assez sympa comparé à la guerre de Tanagar, que là où, franchement, ça c'était dur. Ouais, c'était carrément dur, hein. Ah, c'était un peu long. Mais bon, il faut, c'est pas Voilà. mal qu'Urban sorte tout. Après, c'est, Après, c'est ils dispo. auraient peut-être dû sortir des tomes annexes plutôt que continuer la numérotation et les mettre juste en extra, quoi. Mais bon, ça leur permet d'en vendre plus. Aussi, ouais. Bon, ben voilà, tu as fini ta review sous là-dessus, Wally. Ouais, je sais pas si vous voulez développer ou quoi, Spectra, on t'entend pas. Alors, est-ce que t'es en mode chasse là? Dis-nous tout là. Qu'est-ce que tu fais, Spectra? Bah écoute, Bonjour. y a Tinder social qui est arrivé, là je suis complètement. Non, je l'ai pas encore acheté Crisis on Infinite Earth, mais du coup j'attends mon anniversaire en août là du coup pour le choper. D'accord. Mais j'ai hâte de lire, effectivement, si tu trouves que la narration elle passe bien. Ouais, ça va, franchement, ça Bah va. c'est écrit par Mark Wolfman et aussi dessiné par Perez et l'équipe qui était sur les New Teen Titans. Ah, ça, Et j'ai hâte que ça sorte du coup, parce que ouais, mais ça. j'allais demander justement si Urban l'avait sorti ou pas, je savais pas. Et Mais ils ça, en ont c'est. parlé, ils avaient des plans il y a 8 ans de ça, ils avaient dit sur leur page Facebook que ça les intéressait. Et plus de nouvelles. Ouais. Donc j'en sais rien. Ok. Bon, on passe à la dernière partie, les amis. Allez. Les reviews comics Oh, VO. ça commence fort. Ouais, Et alors moi j'en ai lu, hein, parce que on m'a pas mis sur le conducteur, Ah, genre on tu m'as rien dit. soupçonne que j'y lise plus. Donc je me permettrai d'ajouter un avis supplémentaire Très bien. Moi aussi, il y en a certains que j'ai lus aussi. quand je trouverai cela nécessaire. Donc Cédric. Allez, je commence avec le meilleur de DC en ce moment. Non, non, je plaisante. On commence par le pire pour aller vers le meilleur. Donc le titre à ne pas lire chez DC en ce moment, c'est la Justice League. Fais gaffe, hein, t'as quand même mis Al Jordan de Venditti très très près de la fin, donc Eh bah, va falloir t'assumer après derrière. Hein. et il y a New Franchement. Superman en avant-dernier, alors attention. Eh bah, tu seras surpris de ma critique de New Superman, alors. Mais franchement, Justice League, C'est lumineux à New Superman, donc. j'ai rien lu de pire chez DC depuis. Oh là là, je sais même pas depuis quand. C'est atroce. C'est Brian Hitch, son run sur la JLA, c'était très mauvais. Avant Rebirth, il arrive à faire pire avec Rebirth. Donc c'est un comics d'action pur et dur où l'action est pourrie, où il se passe rien, t'as un méchant auquel tu crois pas une seconde. En fait, il y a Godzilla qui débarque en ville Ah, ça c'est dans le et Rebirth, ouais. ouais, dans Rebirth. Ouais. Bah Ouais. oui, t'as Godzilla et t'as la Justice League qui va taper Godzilla. Dans le numéro 1, il y a des tremblements de terre un peu partout sur le monde entier, et chaque héros est à un coin du globe pour aller aider les gens. Et puis au bout d'un moment, je pense que Brian Hitch a dit, oh, on s'ennuie un peu, le tremblement de terre, c'est pas très cool, si je rajoutais des zombies. Donc il y a des zombies qui arrivent, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Ouais. Et puis ça se finit comme ça, mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Alors, J'ai je... presque envie de continuer. Pour voir jusqu'où il est capable d'aller, Ryan Hitch. Bah, il est déjà allé quand même assez loin avec le Superman qui boit son café tranquille et qui veut pas bouger Ouais. son gros cul. Ah, ça, C'était c'était quand même chouette. ça, c'était beau. Ah, c'était chouette, ça. Alors, déjà, je ne permets pas. Quel fanboy sans puissance, l'autre. J'ai Alors, oublié de écoute. préciser qu'il avait dessiné le Rebirth et en plus, il est même pas foutu de bien dessiner parce que c'est très Ah ouais, moche. Hein. Ah c'est ouais, j'avais une carrément. question d'ailleurs. C'est normal qu'il a mis l'ancien costume de Superman à Superman dans Mais le Brian Rebirth 1. Hitch, Brian J'ai Hitch, il pas s'en fait gaffe. fout, il Alors s'en attendez, fout. attendez, attendez, calmez-vous les amis. Il y a quelques temps de ça, il y avait un mec, je crois qu'il s'appelait Cédric, qui disait que JLA par Brian Hitch, c'était cool. Ah non, non, ah non, non, ah non, c'est pas moi. Avec Rao. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Le mec, il parle des menaces qu'ils ont Ah eues. non, non, non, non, non, tu te confonds. Le gars qui disait ça, il s'appelait Wally. Ouais? C'est moi, mon pote, mais il n'y avait pas que moi, je crois. Bref, moi je m'assume totalement, il n'y a aucun souci les gars. Le seul truc donc, elle est pas finie l'intrigue avec Rao, mais bon moi j'avais trouvé ça cool, Ouais, il l'a hormis pas le fini, hein, numéro. il s'en fout. Non non Hein. mais je me rappelle que t'avais aimé parce que même qu'à un moment donné ils ont Ouais, fait un numéro, les deux, trois voilà, premières issues étaient pas mal. ils se sont foutus de notre gueule en sortant un numéro qui était consacré au Martian Manhunter, C'est rien à ça. voir. Filine. Et donc ça, je l'ai pas lu, mais l'intrigue était cool. Donc bref, il a toujours pas fini son intrigue. Il se troll lui-même à un moment donné quand il parle des menaces qu'ils ont, que la Justice League a subi jusque-là. Donc il parle de Darkseid et il cite Rao alors qu'on a toujours pas la fin de l'intrigue. Ça, ça m'a fait rire quand même. Le mec, il a quand même des grosses couronnes. Sinon, donc le numéro Rebirth, donc Godzilla en ville, ouais, c'est pas foufou, c'est très classique. C'est pas nul, c'est juste très classique. Pour moi, hein, je donne comment la vie. Hein. Après, chacun son avis. Ah bah ouais, mais c'est vous pareil, avez le vôtre, hein, mais je donne que le mien. Hein. C'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Donc ensuite, JLA numéro 1. Là, par contre, pareil, c'est très classique, mais c'est un 1. Donc il présente les personnages, tout ça. Et la fin sur les zombies, j'ai vu les sollicitations, ça a l'air un peu intéressant. Je dirais pas que c'est nul. Franchement, il y a eu pire. Franchement, pire. On passe de la Darkseid War avec Fabok au dessin à ce machin-là, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal, ouais. Ouais, mais moi je dirais que c'est très classique, mais je dirais pas que c'est nul. Ouais, c'est pas extraordinaire. Faut attendre. Mais je trouve pas ça non plus nul. Des trucs nuls, on en a eu quand même pendant les New 52, des trucs vraiment nuls. Ah, mais là, vraiment... C'est pire que le Aquaman que tu lisais à un moment donné, genre, que tu disais tous les mois ouais, c'est nul. Ouais, ouais, c'est presque. Mais parce que on revient de la Darkseid War, quoi. Donc j'en attendais. Après, j'allais pas dire que j'en attendais beaucoup parce que je le connais, le Brian Hitch. Je sais. Et genre, dis-toi, tu viens de nulle part et tu débarques, tu tombes sur. Alors, pour le coup, je pense que si j'ai jamais lu Justice League, je lis ça et c'est comme aller voir Transformers au cinéma. C'est complètement alors, crétin. Honnête, pardon, vas-y, fini. Non, vas-y, c'est bon. J'ai commencé les comics avec Justice League, le premier tome là qui était sorti chez Urban. Aux origines, ouais, voilà. On m'appelle Campan Jump dans le milieu. Et en fait, ce que tu viens de dire là, Cédric, c'est exactement ça en fait. C'est si tu connais rien, en fait, tu vas lire ça, ben ça va te plaire parce que bon, ça pète de partout et que tu vois tout le monde et que tu vois Batman et que tu vois Flash, etc. Mais du coup, en fait, maintenant je remarque que en fait c'est pas ouf et que c'est un peu vide. Ouais. Et alors du coup, oui, pour quelqu'un qui connaît pas et qui va s'y mettre, ça va peut-être lui plaire parce que. Mais voilà. Dites que je suis con, hein, n'hésitez pas les gars. Hein, dites-le, y a pas de souci. Hein, Non, en fait, y a pas de mal à aimer un comics décérébré. Ça peut être sympa de temps en temps. Le problème, c'est que c'est moche. Tony Daniel il fait le taf. Hein. Moi là je parle du Rebirth. Il a quand même bien progressé. Ouais. Mais le Rebirth de Brian Hitch il est vraiment moche. Et encore une fois on vient de Fabok quoi. Donc c'est pour ça aussi le changement fait mal aux yeux. Hein. Tony Daniel il a progressé mais enfin déjà sur Superman et Wonder Woman je trouvais déjà que c'était excellent ses dessins. Je sais pas si t'avais lu un peu. Non j'avais pas lu Superman et Wonder Woman. Ben, graphiquement je trouvais ça magnifique. Ouais. Ok donc sur ce truc là en fait tout le monde trouve ça pas terrible et moi je trouve que c'est classique mais pas nul. Donc voilà faites-vous un avis. D'accord avec moi. Ouais franchement j'ai trouvé ça classique c'est pas nul mais je l'ai lu mais j'ai pas trouvé ça à chier. Mais j'ai pas arraché mes yeux comme Cédric t'as besoin de le faire quoi. Ah ouais, vraiment, Non, mais moi, j'ai pas dit que c'était nul. Enfin, j'ai juste dit que ça reste classique et que c'est. Ouais. De toute façon, après, les auditeurs, ils commencent à savoir les avis qu'ils ont plus proches de qui. Ouais. Souvent loin de Vin, je pense. Mais. Putain, je dis c'était bien, je me contredis. Je te parle très. En plus, on a le même avis sur celui-là. C'est ça qui est ouf. Donc, voilà, faites-vous vous voyez par rapport à ce qu'on aime habituellement et vous faites votre choix. De toute façon, toi, Walid, dès qu'il y a Marcus, t'aimes bien, donc c'est pas compliqué. Non, pas forcément. Je sais être critique, mais c'est juste qu'il y a des fois, il y a des critiques que je trouve juste. Quand ça critique d'ici, t'es pas content. Absurde, quoi. Non, après, moi, s'il y a des arguments qui partent pas trop loin. Dans des chichis trop compliqués d'intello à la con là non moi j'accepte la critique y a pas de souci hein. Y a pas de problème je suis tranquille. Ok on va passer à Nightwing Rebirth. J'ai voulu le lire il y avait trop de cases il faisait que parler j'ai arrêté. T'as eu ce problème là sur Justice League. Ah, là, c'est ça, je comprends mieux pourquoi tu as aimé Justice League. Ouais. Oh non, les dialogues, c'est horrible, je ne saurais pas dire ça. C'est sûr. Mais le mec il part, je suis sûr, tu l'as lu en scan VF, t'as même pas osé le lire en scan VO. Bah non, je l'ai en VO devant moi, le vrai acheté et tout. T'es sérieux et t'as compris? Genre, ouais, toi tu fais des fautes d'orthographe en anglais à l'oral et t'as réussi à. Ouais, j'ai compris. Vas-y, alors on t'écoute, Vinch. Vinch? On vous entend plus, allô? Si, on t'entend. Ah, ça va. Non, ça a bugué en un coup. Donc, putain, c'est quoi ce vieux bruit? Je sais pas, mais donc là. Rebirth, c'est, donc ça se clôture avec. Bah, donc ça finit un peu avec ce qui s'est passé sur Grayson. Mais vu que j'ai pas lu tout à fait Grayson, la fin, vu que je suis en VF, il y a quelques trucs comme qui je ne comprenais pas totalement. Mais en gros, bah, on voit Dick Grayson qui dit adieu à sa vie d'espion, qui va revenir vers Nightwing, forcément. C'est pas vraiment un spoil, vu que c'est le putain de titre du comics. Ouais, ça, je l'avais capté en lisant quand même. Ouais. Mais non, sinon, c'est franchement, j'ai trouvé ça sympathique. Maintenant, comme tu dis, c'est vrai qu'il parle beaucoup, parce que il explique voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus l'agent numéro 1, qu'est-ce que Elena Bertellini est devenue, puisqu'on la spoil, on voit qu'elle est en Huntress et qu'il faut la retrouver, comme il précise bien gentiment, dans Bird of Prey. Ouais. Ensuite, non, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai bien aimé les dessins. Et c'est vrai que c'est très introductif qu'on le voit avec Damien, etc. J'ai bien aimé revoir Dick et Damien, parce que j'ai vraiment bien aimé l'époque où ils étaient Batman et Robin ensemble. Donc j'ai trouvé ça sympathique de l'avoir discuté, même s'il ne se passe pas vraiment grand-chose. Donc au final, ouais, c'est un numéro ultra classique, il ne se passe pas des masses, mais ça introduit bien, je veux dire, le futur statu quo et ce qui avait été teasé à l'époque dans Robin Noir. Donc, mais après... je ne révélerai pas ce que c'est pour pas que... Ouais, le cliff, il est assez cool, quoi. Enfin, c'est pas vraiment un cliff, mais la dernière page, elle est assez cool. Ouais. Ça donne envie pour la suite. L'avant-dernière page, tu parles avec... C'est possible, ouais. Vers la fin, quoi, tu vois. Ouais. Parce que la dernière page, c'est quand il récupère son... On revoit son costume. Ouais, bah ça doit être... C'est pas vraiment un spoil non plus, vu qu'il est sur la cover. Le seul truc qui est vraiment décevant, c'est qu'on le voit... Il ne fait pas un rappel de sa vie de Nightwing en rouge. Non, je déconne, en fait, on s'en bat les couilles parce que c'était pas terrible. Non, franchement, c'est là, un bon comics. Un point, je suis assez d'accord. Si à l'époque, vous avez bien aimé Nightwing, bah, et que vous avez aussi bien aimé le début de Snyder sur, bah, ça peut être intéressant parce que c'est, ça va être une continuité de ça. Et en plus, on va retrouver apparemment Nightwing bien fidèle à lui-même. Donc, franchement, je vais prendre avec plaisir le numéro 1 et j'ai passé un bon moment devant ce Nightwing Rebirth 1. Bien que, comme le souligne Wally, ça peut handicaper les personnes qui n'aiment pas trop de textes. Ça peut handicaper les gens qui ne sont pas bilingues comme toi, Vinch. Effectivement, oui. Je comprends mieux que ce que je ne parle. Non, mais moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Et c'est vraiment la continuité de la série Grayson. D'ailleurs, c'est le même scénariste. C'était Tom Seeley et Tom King. Et là, on a Tom Seeley tout seul. Et il continue... Tim Seeley, pardon. Il continue ce qu'il avait fait. Et je trouve qu'on retrouve le ton de la série Grayson. Alors peut-être que aussi c'est ce qui t'a pas plu, Wally, parce que tu n'aimais pas la. Non, non, mais moi c'est pas que ça m'a pas plu, c'est qu'il y avait trop de bulles. J'ai dit c'est bon, laisse tomber, je repasserai quand ce sera traduit, quoi. C'est juste ça en fait. Okay. Mais je la trouve chouette, c'est une des bonnes séries dans le Rebirth. D'accord. Ouais, j'ai vraiment bien aimé aussi ce numéro de Nightwing qui raccroche pas mal aussi au début du run de Snyder et qui répare même un petit peu les quelques boulettes de Snyder. C'est effectivement bien dans la continuité de Grayson et voilà, franchement, je crois que c'est une de mes lectures favorites du mois. Ouais, bon, d'accord. Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord. Ah ouais, bah franchement, ouais. Enfin, je trouve vraiment efficace parce que exactement rien du tout. Je me suis dit, en plus, comme il n'y avait pas Tom King, ce serait bof bof. Et en fait, non, je me demande du coup si finalement les bonnes idées insufflées dans Grayson, ça venait pas de l'autre moitié. Ouais, je me dis la même chose. Ouais. Bah, d'ailleurs, on va enchaîner avec Batman. Ouais, Batman 2 et 3. Donc, Spectra ou Cédric, c'est it's up to you. Eh ben, allez. Bah alors Batman 2 et 3, donc du coup on a dans les derniers numéros on a eu l'apparition de deux nouveaux héros qui sont Gotham Girl, voilà. Ça avait soulevé des indignations d'ailleurs. Parce que c'était Gotham et pas Gotham Boy. Et comme il y avait Gotham Girl, certains gens auraient plutôt aimé que le personnage s'appelle Gotham Boy et Gotham Girl. Il y a pas mal de gens qui sont. Voilà. En fait, toi, tu vas vraiment sur des polémiques à la con. Je voilà, voilà, voilà mon avis, quoi. Voilà la vie dans les comics, quoi. Non, moi, je vais juste voir pour rigoler. Genre les mecs qui ont pas de vie, qui font des débats à la con pour rien, et puis je m'en vais. Ça me fait la journée, en fait. Ouais. Sur les fesses d'Harley Quinn. Oui, il y avait ça aussi sur numériquement, donc on a rétréci le short de Harley Quinn sur le film, et donc. Oh mon Dieu, ils ont osé faire ça. Et donc t'as tous les féministes puceaux de 8 ans et demi qui étaient là, OMG, oh là là, on voit son cul, c'est pas la Harley Quinn que je connais. Oh mon Dieu, voilà. Donc. C'est immonde. C'est totalement immonde. Je vais boycotter le film, quoi. C'est je pense que je vais faire ça. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, donc, on a fait la sexualité des enfants de 11 ans dans le dernier podcast. Là, on peut s'attaquer à la théorie du genre. Hein. Je pense qu'on est prêt. On en a parlé de la théorie du genre également le mois dernier. On parle souvent de la théorie du genre. Oui, par rapport au fait que Superman, son fils, Ah traînait oui, c'est avec une vrai. petite fille et que C'est sa vrai. mère, D'ailleurs. disait ça pourrait être sa petite copine et que des gens se sont indignés parce que mais comment ne pas concevoir qu'au XXIe siècle, son fils pourrait être gay? D'ailleurs, on en parlera après. Et Ouais. ça part quand même sur la thèse de l'hétérosexuel, qui n'en déplaise aux féministes. Ah, d'accord. À la différence des homosexuels, pardon. Ah ouais? Ben ouais, parce qu'il va quand même flirter encore avec la fille, il va lui apporter son secret, etc. Donc c'est. C'est vraiment un scandale, quoi. Franchement, c'est un scandale, Voilà. quoi. Des mecs qui sucent pas des bites au 21e siècle, c'est pas normal, quoi. À Je moins comprends que, pas, quoi. peut-être, les scénaristes ils peuvent encore se rattraper, la fille peut être transgenre. Bien moyen, ça, elle a ouais. 29 ans, mais on sait jamais. Imagine le cliffhanger de fin. Elle baisse son fuck, elle lui fait genre, moi aussi j'ai un secret, John, qui s'appelle John le fils, I have a secret, et bam! Elle On envoie parle, un snap-tub sur son téléphone. Un dédit-tub, pardon, excusez-moi. J'en perds les mots. Bon, on va revenir au truc là, parce Je qu'on part vois un peu pas loin. comment je peux faire Marie-Lou après tout ça. Désolé. Désolé, c'était Après, craint. j'ai l'impression que Vince a relâché beaucoup de choses qui étaient en lui depuis longtemps. Vince, je sais quoi. Un lourd Pourquoi passé, ça je m'est crois, en arrivé à moi? Belgique. Pourquoi? Oula. Un lourd Qu'est-ce qui se passé passe? dans la banlieue de Mosellebecque. Ouais, vas-y, on arrête, on se fait que ça, vas-y, fais ta review là. Donc Batman qui contre toute attente, je pensais qu'il allait se clasher un peu avec Gotham et Gotham Girl, et finalement pas du tout, mais. Oh, le fou rire, les gars, vas-y. Coupez vos micros, laissez finir Spectra, le pauvre. Il a plutôt l'air de les prendre sous son aile, même s'il reste toujours méfiant. L'intrigue avance pas des masses, hein, y a des attaques un peu partout dans la ville, le double G et Batman interviennent. Et voilà, quand on a un méchant en toile de fond, mais encore rien de bien, bien spectaculaire. J'ai l'impression que pour le coup, la série Batman, elle va vraiment démarrer au numéro 9 quand on saura plus sur l'identité des Jokers. Là, pour l'instant, on attend bêtement l'espèce d'event avec les monstres. Enfin, je sais plus comment ils s'appellent, Ouais, des sortes de Godzilla aussi, ouais. mais ouais. Donc ça, c'est un gros blockbuster, ça passe, mais Ouais, c'est classique, ouais. J'aime bien, hein, mais avec Tom King sur Batman, je m'attendais à un truc un peu plus bonbon quand même. C'est ça. D'accord. Cédric, t'as dû le Ouais, lire aussi, je j'ai pense. ouais, j'ai exactement le même avis. Je suis très très très déçu. Bon, je l'avais déjà dit le mois dernier, mais là le Batman, je sais pas ce qui se passe là. Je comprends pas. Il arrive à me faire regretter Snyder. C'est dire. D'accord. Là, Ah je suis bah très. Snyder, oui, ça démarrait plus fort que ça. Hein. Ah, Ouais. largement, hein, largement. Il y a les dessins Triste. qui sont chouettes, Finch se débrouille bien, et quand c'est Ranin, c'est chouette aussi, mais le scénario, ça. C'est pas aussi nul que la Justice League, mais c'est juste. On attendait beaucoup mieux de Tom King, quoi. Très bien. On va passer à Détective Comics 935 et 936, Vinch. Ouais, Ouais, donc. 900. Ouais. Ah oui, non, pardon. Ouais, c'est ça. Oui, 935. autant pour moi. Je sais même pas moi, avec la nouvelle numérotation, je m'y perds un peu en fait. Ouais, mais tu les salues quand même ou pas? Le... Ah, ça coupe. Vinch, t'as payé la facture ou pas? Vinch? Bon, Vinch a disparu. Je les On ai lus, moi. m'entend? Ouais, on t'entend là. Les 736, c'est la révélation, c'est ça? Non, 930, oui, 936, oui, c'est la révélation, 935, c'est... Ok. Donc si vous spoilez, vous prévenez quand même, les gars. Non, mais on dit juste qu'il y a une révélation, mais on dit pas laquelle. Ouais, il est sorti Voilà. le 13 juillet, ouais, je les ai lus tous les deux. Mais au début, j'étais pas trop fan, maintenant, j'ai trouvé que c'est un peu mieux reparti. Maintenant, je trouve toujours dommage qu'on se concentre plus sur du team-up que sur, je veux dire, le côté un peu plus street de Gotham que j'avais vu à l'époque. Maintenant, ouais, franchement, j'ai trouvé ça sympathique, l'histoire, l'équipe prend forme, etc. Même au début, je trouvais ça what the fuck de voir Gueule d'Argile, Clayface, mais maintenant je trouve qu'il commence quand même à bien s'intégrer Dans la dans team. l'histoire, dans la Ouais. team. Même si des fois il y a quelques remarques Je dirais qu'ils essaient de lui faire passer humoristique, que je trouve un peu inutile, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que ça passe bien et j'ai bien aimé l'évolution de Batwoman, parce que c'était un personnage que j'affectionnais pas spécialement, et là, elle prend quand même de l'ampleur dans la Batfamily. Franchement, j'ai passé un bon moment. Et ouais, la révélation, je m'attendais pas trop à la révélation de la personne qui dirige la Batarmy, je ne dévoilerai pas qui est, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite, quoi. Ah, franchement, gros cliffhanger, hein. Ouais, Fabien, tu l'as lu, toi, en plus, t'es fan de Batwoman. Ouais, du coup, depuis l'arrêt de Batwoman, oui, je crois il y a 2 ans, ou je sais plus quand, enfin bon, Ouais, un quand petit moment, ouais. J.H. Williams 3, il s'est tiré, il y avait plus de Batwoman, et du coup, j'étais bien content de retrouver, surtout que j'avais un peu peur de ce qu'ils allaient en faire de Batwoman, parce que je voulais pas qu'ils en fassent un sidekick de Batman, et au final, non, là, ils prennent vraiment Batwoman comme... pas l'égal de Batman, mais vraiment comme quelqu'un qui peut la Comme elle est, quoi, en qui fait. qui ouais qui comme un personnage fort, mais pas, enfin pas vraiment l'égal, mais qui est là, qui dirige pendant que Batman n'est pas là. Et du D'accord. coup, j'ai bien aimé parce que ça se concentre pas mal sur elle aussi. Non, du coup, c'est la seule série que je me suis commander dans ma boutique parce que j'adore le personnage de Batwoman et puis du coup je vais suivre la série tant qu'elle sera Dans cette veine-là. dans cette veine-là et puis je sais pas Vinch, je sais pas si t'avais lu à l'époque Batwoman, si Non, pas trop. J'avais pas vraiment suivi. J'avais commencé le tome 1, mais j'avais été un peu perdu au début. Puis après, j'avais voulu continuer, mais j'ai pas. Je sais même pas si Urban a clôturé le run, si. Non, Même pas en ils plus, ont ouais. fait, enfin ils ont fait jusqu'au tome 4 ou 5, je crois, et le dernier run qui sont sortis, c'est pas sorti en français. Ouais, non, mais ils ont sorti le run de Williams 3, ça s'est sorti en Oui, anglais dans tous les cas. ça c'est Voilà. Ouais, sorti quand jusqu'à même. la fin. Parce C'est le run qu'après, je crois que ce qu'il y avait derrière, c'était pas terrible. L'arc d'Andreiko qui est pas sorti, Hein. qui est de Ouais. toute façon qui est vraiment mauvais. Qui est vraiment pas bon. Donc voilà. Donc bien content de retrouver Batwoman. Et puis ouais, comme disait Finch, le gueule d'argile, il s'intègre bien, je trouve, dans l'équipe. Et même il trouve même une utilité à gueule d'argile dans certains moments. Donc voilà. Ok, vous avez un truc à rajouter ou on passe au titre suivant? Allez, alors Birds of Prey Rebirth. Je vais le dire tout net, c'est le de tous les Neon Rebirth, c'est celui que j'ai préféré. Et Ah ouais. j'en attendais rien du tout. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'ai été surpris, parce que j'ai trouvé le numéro très frais, très intéressant. Donc les Birds of Prey, c'est une équipe qui va être constituée de Barbara Gordon, donc en Batgirl, Huntress, Elena Bertilini et Black Canary. Et ce numéro Rebirth, en fait, comme tous les numéros Rebirth, c'est un numéro introductif qui nous présente les personnages et leur statu quo. Et donc, vu qu'on a trois personnages dans l'équipe, le numéro peut à peu près se diviser en trois. Donc chacune des héroïnes aura un petit peu son background expliqué. Et évidemment, elles se rencontrent à la fin pour former les Birds of Prey. Et j'ai trouvé vraiment chouette, vraiment frais, vraiment intéressant, mais assez joli aussi au niveau des dessins, très dynamique. Les visages, je connaissais pas la dessinatrice Claire Roet. Les visages, elle a un peu de mal, surtout sur Batgirl, mais je trouve qu'elle s'améliore au fil du numéro. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je suis vraiment emballé par ce titre. D'accord. T'es seul à l'avoir lu, je crois. Non, je l'ai lu aussi. Je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ça déplaisant. Comme lecture, mais ça m'a pas non plus donné envie d'aller voir la suite. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas le ton très girly, très ado qu'il y avait dans Batgirl, et on retrouve la Elena Bertinelli qu'il y avait dans Grayson. Donc pour moi, c'est aussi la continuité de la suite de la série Grayson, comme un peu la Nightwing. Après, je lisais pas la série Black Canary, donc j'étais content aussi de voir un peu son background, parce que je connais pas le personnage tel qu'il était dans les New 52. Donc Très moi, je bien. recommande. Tu recommandes. Et donc toi, Spectra, trouve pas ça génial. Ok. Non, si, c'est sympa, mais Ouais, disons non, que mais j'ai pas. tu vas pas t'abonner, quoi. Non, c'est bon, je me suis déjà fait arnaquer pas mal de fois dans les New 52, donc j'attendrai l'avis de Cédric. Ouais. D'accord. Ok, ben Spectra, on reste avec toi avec Superman 2 et 3. J'ai lu que le 2, il me semble. Donc on t'écoute, Spectra. Donc, qui se Superman 2, qui se focalise sur la relation filiale entre Superman donc, et son fils John. Est-ce que je spoil du coup? Donc, dans le numéro 2, ils vont affronter une espèce de Kraken. Avec John, il l'initie un peu, il l'apprend à gérer un peu ses pouvoirs. Oui. Et j'y vais prudemment pour éviter les blagues salaces, mais c'est pas évident. Et dans le 3, on a le retour d'un ennemi de Superman qui s'appelle l'Eradicator. Ah ouais, c'est ça. Ça s'était révélé à la fin du 2, ouais. Je me suis arrêté là, moi. C'est ça. Et le numéro 3, je l'ai trouvé sympa, mais pas bouleversant non plus. Voilà. Ça reste une série focalisée quand même sur le fils de Superman. Moi, j'aime ça reste aussi c'est le titre l'arc, c'est je pense que c'est Super Son le titre donc oui c'est pas faux en même temps donc c'est normal aussi bon, en tout cas c'est une bonne série hein. Ouais, je trouve que la série est sympa aussi et effectivement je pense qu'elle sert un petit peu d'introduction à la nouvelle série Super Sons qui va bien pas tarder à arriver et je pense que ce sera beaucoup plus centré sur Clark quand et là moi je kiffe la relation père-fils, je trouve ça impeccable. Ouais, voilà, c'est nickel. Thomas aime bien jouer là-dessus aussi. Ouais, c'est un truc qui sait bien faire ça. C'est ça, de l'émotion à chaque page, des étoiles dans les yeux, c'est beau, c'est poétique, c'est ce qu'on veut voir, bordel. Enfin moi je suis pas un grand fan du dessin de Gleason par contre qui est un peu cartoony et presque manga mais pour le coup ça va bien avec ce titre là avec le ton général. Moi de ce que je dis pour l'instant, Superman c'est mon coup de cœur, quoi, même devant Flash. Est-ce que vous imaginez un peu ce que je dis? Et ouais, franchement moi je kiffe bien, j'ai bien fait d'avoir acheté le Rebirth et numéro 1 je crois en VO. Ok, on continue sur Superman avec Action Comics 958 et 959. Spectra ou Cédric, comme vous voulez, parce que les deux vous l'avez lu je pense. Ouais, vas-y Cédric. Action Comics, ça se centre sur vraiment pour le coup sur Superman. On voit un petit peu John et Lois et la famille. C'est vraiment la série la suite de la série Superman Lois et Clark qu'il y avait avant Rebirth. Et là, on a Superman qui affronte Doomsday et aussi on voit en parallèle comment Lois et John vivent cet affrontement. Notamment Lois qui connaît l'issue de la dernière confrontation entre les deux, donc elle est effrayée pour son mari et en même temps elle veut pas faire peur à son fils, donc c'est assez touchant. Le combat en lui-même c'est exactement le même que celui qu'on avait dans la mort de Superman à l'époque, donc ça c'est peut-être pas la partie la plus intéressante, mais non, il y a des différences évidemment, ouais, mais il y a quand même beaucoup de rappels à cet arc hein. Ouais, c'est fait exprès, mais par exemple, on peut quand même voir aussi que Superman est beaucoup plus aisé face à Doomsday que s'il était à l'époque. On voit qu'il a appris de ses erreurs et ce qu'il faut pas faire. Voilà. Pour moi, Action Comics, c'est vraiment un des titres solides hein, de Rebirth. Jurgen, c'est écrire Superman. J'ai oublié aussi de dire qu'il y a un autre Clark Kent, dont on sait toujours pas vraiment d'où il sort, qui il est, qui intervient aussi. Donc ça en tout cas, c'est Clark Kent. En tout cas, lui, ça se veut qu'on l'appelle Clark Kent. Ouais. Et on voit très bien que par contre, il n'a aucun pouvoir. Parce qu'il s'est fait casser le bras. Allô? Ah, on m'entend. Ah, allô? Ouais. Ah, oui. Ah ouais, ok. Non, c'est Wally qui nous entend plus. Tu nous entends plus, Wally? Les rouleaux, celui-là. J'ai un souci, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, on t'entend. Ouais, je sais pas, j'ai allumé la télé, j'avais plus le son sur l'ordinateur. C'est pas mal. Ok. Tu t'ennuies, donc du coup tu mets un. Si touche pas mon plein podcast, il allume la télé. Il s'en bat les couilles. Professionnalisme. Mais absolument pas, mais en fait, ouais, j'ai allumé ma télé et j'avais plus le son sur l'ordi, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Wally, jusqu'au bout de l'info. Je comprends rien, quoi, putain. Et donc pour conclure sur Action Comics, moi je trouve que c'est une série vraiment solide, très bien dessinée, très action. Pour le coup, beaucoup moins sur les sentiments. Ça s'appelle Action. Oui, c'est ça, mais beaucoup moins sur les sentiments que l'assurait Superman. Mais Action Comics n'a pas toujours été une série d'action. Mais fais vite, parce que tu fais chier Wally là. Mais non, trop pas. Je n'aurais pas dû. Du coup, j'allume plus la reste éteinte et je suis à vous toute la soirée. Alors. Putain, son air de pervers. Ça va, mon son retranscrit bien. Ben donc Spectra, toi t'avais un truc à dire vu que tu l'avais lu, non? Bah moi je trouve ça génial, hein. C'est vraiment une de mes séries préférées du Rebirth. Ah, ça ouais. Fait plaisir. C'est de la bonne baston, mais en même temps il y a des intrigues, des sous-intrigues qui se mettent en place, donc franchement j'adore ça. Ouais, c'est vraiment la, je pense que c'est la série du Rebirth pour le moment. Ouais, même Wally, si ça n'a rien si à voir avec lis, Rebirth. Mais... Ouais, Wally, si tu la lis pas, celle-là, il faut que tu la lises. Ah, bah, je vais le faire. Ouais. Je vais... En plus, ouais, t'attends pas si plomb pour avoir de l'action et tout, tu rentres directement dans le sujet. Et le... Franchement, il arrive à vraiment tout bien placer pour pas que tu t'ennuies, que tu sois intéressé. Et... Franchement, ouais, c'est vraiment la série, je trouve. Ouais. Et, t'as pas lu ça, t'as arrêté ta vie. Petit spoil, j'ai lu le nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui et ça continue encore très bien avec un retournement de situation que je n'ai pas vu venir. Putain, je vais le lire tout de suite. Bon bah écoute, bah, je quitte le podcast. Je vais le lire. Hein. Au revoir. Mais ouais. Mais lis-le tout de suite et donne-nous tes impressions en live. Ouais, non, là, apparemment, vu que tu t'ennuies, ouais, tu pourras aller lire. Allez, ça y est. Putain, j'aurais dû rien dire du tout, quoi. J'aurais dû faire genre le mec normal. Ah, j'ai une coupure des deux connexions. Ok. Non, mais je vais le lire. Ouais, m'avait donné envie. Hein. Et en plus, tout le monde l'aime, donc apparemment, ça c'est que ça doit être bien, quoi. Franchement, c'est le. Si le mois prochain tu me dis j'ai lu c'est de la merde, eh ben, franchement, tu dégages. Ok mec. Ok, j'ai monté le projet, les sous c'est moi qui les ai mis dans le projet et je vais me faire. Putain, t'as rien du tout. Déjà que tu te mets les sous du sponsor dans la poche. T'as même pas payé pour ce putain de serveur. C'est vrai, c'est toi qui as payé. Ça va, on est comment au niveau des sous? 33 centimes par mois, je te fais un virement ou je te paye par chèque? Par chèque, s'il te plaît. Non, fais-moi un virement et vite, parce que j'ai plus les moyens maintenant, j'ai investi dans Flashpoint. Mais vu qu'en septembre tu vas venir ici, je vais te faire visiter le coin, tu verras que ouais. 33 centimes pour me voir en vrai, demande à Flo, c'est rien. C'est il faudrait mettre un système de tips pour nous soutenir dans nos projets quand même. Pour avoir des meilleures chroniques, franchement, patron. Vu que notre dernier article remonte à il y a 21 jours, j'ose pas demander aux gens de nous donner de l'argent, quoi, tu vois. Justement, s'ils veulent des articles, de l'argent. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un mec qui m'a dit, ouais, je vais faire des reviews comics toutes les semaines, et voilà. Bah, il y a un mec qui m'a dit, ouais, tu verras, tu seras payé, etc. J'attends toujours les premiers virements. Ok, c'est bon. Tu vas attendre. Moi un j'ai petit été moment. Payé pour les reviews VF là d'ailleurs. Ah le fouteur de merde, putain, oh là là. Tu m'as dit ouais, t'auras des bons de réduction sur. comment ça s'appelle encore le sponsor de. Si c'est toujours le sponsor. Hong ouais, Kong c'est style. Le sponsor Hong Kong style. Bien sûr que c'est le sponsor. Mais. Ouais, t'auras des réductions sur Hong Kong style. Je te bah vas-y, déjà je vais lui redemander là parce qu'on avait un code et tout pour les auditeurs et tout. Faudra que je le redemande. Puis j'ai vu que t'étais quand même quelqu'un d'influent dans la stratosphère comics, tu dînais avec le président de Biscomic, tu vois. Ouais, ça j'en parlerai après attends, dans la partie... Je dîne avec lui la semaine prochaine, moi. Ah, tu vois, franchement il est cool, tu verras. Bon, on en parlera après. J'ai oublié de demander un autographe, mais sinon il est cool, on en parlera après. Il est tellement cool que quand il a fait un podcast avec nous, on l'a pas publié. Ouais, ça fait chier, par exemple, problème putain, de ouais, soi. Putain, on a fait un podcast avec... C'est pas le gars chez Urban qui aurait pensé avec nous, les baltringues de chez Panini, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, c'est pas Agathe chez Urban ou les baltringues de Panini qui auraient fait ça avec nous. Hein. Bah, on leur a pas demandé. Donc, ils vont pas venir. De toute façon, ils t'auraient pas répondu. Il y a moyen, je ouais. Je te le dis direct. Déjà, Panini, on s'en bat les couilles. On leur chie à la gueule parce qu'ils vont pas de DC. Mais. C'est pas un saucisson. Sans déconner, en mais Allemagne, les gars, en Espagne, on avait un gars qui a tenté de passer l'aspirateur, on l'a licencié. Qui c'est qui coupe du saucisson devant le podcast là? Je crois que on a licencié. Hey, c'est toi qui l'avais engagé, le gars. On était pas d'accord, nous. Redevenons sérieux. Putain, vous allez rendre malade. Je crois que après non, mais émission, ça fait dans... bien de se détendre un peu avant la review d'Aquaman. Non, je crois que Cédric, ça va, tu veux pas démissionner? Oh, bah, moi je sais pas, je plains nos pauvres auditeurs. Ouais, il y a moyen que ce soir, c'est quand même bien parti en vrille quand même ce soir. Va falloir mettre un petit message au début pour s'excuser d'avance pour ce que vous allez entendre. C'est à cause de Fabien ça. Bah oui, bien sûr. C'est parce que je suis payé, c'est pour ça. Ça doit être. Allez, vas-y, fous encore ta merde, mec, vas-y. Alors, Aquaman 2 et 3, Cédric. Aquaman, donc on continue sur ce qu'on a vu dans les numéros Rebirth et numéro 1, c'est-à-dire on est complètement emporté sur les relations plus que tendues entre le monde terrestre et le monde sous-marin, et la difficulté notamment pour les Atlantéens d'être considérés comme un peuple à part entière. Et donc la moitié de ces épisodes est centrée là-dessus, et l'autre moitié est centrée sur Black Manta, qui dans l'issue 2 se fait évader de prison. Je vais pas trop révéler ce qui se passe dans l'issue 3 avec lui, mais voilà, il est recruté par une équipe, et c'est assez nouveau pour ce personnage-là qui est habituellement toujours en solo. Voilà. Donc c'est ouais, une série assez. Dakar était dans la Suicide Squad, quoi. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Mais c'est fini. Mais il n'était pas contre Aquaman. C'est ça que je voulais dire. Généralement, quand il s'attaque à Aquaman, il est tout seul, il veut se venger d'Aquaman, il est très très colère, il fronce les sourcils. Et là, il fait toujours ça, mais il n'est pas tout seul à le faire, quoi. Et ouais, c'est il fronce les sourcils. Ah, mais je suis vachement déçu de cette série parce que elle ça partait pas mal le run de. Elle est en train de couler la série. Ah ouais, là, ça oh là là, très très gras là. Hein. On touche le fond. Oh là là là là là là. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est le français au dessin, c'est Phil Briones là ou Brion? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est... Et c'est beau graphiquement. Wow. C'est moyen. C'est pas moche, hein, mais c'est moyen. D'accord. Et en vrai, j'avais acheté le Rebirth et le numéro 1. J'ai écouté le podcast du mois dernier. Attends. Ah ouais, Spectra. Quoi? C'est toi qui coupes du saucisson depuis tout à l'heure sur ta table? Non, moi je suis sur mon lit. Hein. Il y a un mec. C'est qui? C'est toi, Cédric? Non, j'ai pas fait le saucisson. Le saucisson, ça existe pas en Norvège. Ah, franchement, c'est abusé là. Vas-y, arrêtez les gars, je sais pas qui c'est. Oh putain. Ok, continuons. Vas-y, Fabien. Donc. Fabien, tu avais acheté les numéros Rebirth. Rebirth est numéro 1. J'ai écouté le podcast du mois dernier et vous avez l'air totalement blasé. Du coup, je les ai même pas lus. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et ben, tu achètes pas les numéros 2 et 3. Je trouve qu'ils sont encore moins bons. Je trouve que ça fait que descendre en qualité. C'est pas horrible. C'est pas aussi nul que ce que faisait Cullen Bunn, mais c'est décevant. Ah, d'accord. C'est vraiment, vraiment décevant. Ouais. Effectivement, ouais. Le numéro 2, il est encore moins bien que le 1. Donc, je m'arrête mais, là pour Aquaman. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins, j'ai le original Frostpaint. Original Frostpaint, ouais, mais je pense qu'il n'y a personne qui va t'acheter celui-là. Toi. Faut taper dans du gras, dans du Batman, Superman. Et qu'est-ce que t'en sais, peut-être qu'un jour, son numéro, il vaudra 4 fois plus que le tien. Ça m'étonne rien. Ah, parce que moins de gens l'auront acheté, donc il sera plus dur à trouver. C'est possible. Voilà. Sauf que personne va le chercher, mais à part ça. Ok, poursuivons avec notre coupeur de saucisson en chef. Green Arrow, tome 2 et 3. Spectra à toi. C'est pas moi. Ah, putain. Vas-y. Spectra, vas-y, c'est à toi. Moi, je dirais pas, tu retires ce que tu as dit. En plus, c'est Green Arrow. Ouais, Green Arrow, du coup, ce sera juste la review du numéro 2 pour le coup, parce que j'ai décidé que je m'arrêtais là. Ah ouais. Mais putain, tout le monde dit que c'est génial. Oui, non, mais c'est sympa, mais ça me passionne pas assez. D'accord. Moi, je déteste. Ah. Oh là là. Ouais. Je suis pas aussi colère que Cédric après la série, mais ça me passionne pas. Donc, et puis, vu que j'essaye de lire un maximum de publications River, du coup, là, celle-là, je vais lâcher. Donc, comme d'hab, on dirait que pour faire une histoire de Green Arrow, il faut déconstruire Green Arrow. Donc, effectivement, il se retrouve, suite au cliffhanger de fou du numéro 1, il se retrouve complètement ruiné, foutu, à moitié mort. Et du coup, il va devoir il va devoir se refaire, quoi. Voilà. Enfin... J'ai rien de plus à en dire, hein. Il se passe pas grand-chose. Et graphiquement, c'est magnifique, quand même. Bah, c'est super beau, hein. Ouais, on sent que ce dessinateur-là, il va pas rester longtemps sur Green Arrow, qu'il a le potentiel d'être un nouveau Fabok qui arrive sur un gros titre assez vite. Après, je trouve qu'il colle bien, il colle quand même bien au ton de la série, mais après, c'est le scénario de Patrick Zirker, quoi, qui est pas. Percy, qui est vraiment bof, quoi. Donc. Je comprends qu'on puisse aimer la série, hein, je trouve qu'il y a plus révoltant dans ce que DC a pu publier, alors surtout sur Green Arrow ces dernières années. Mais voilà, c'est comme le run précédent du même auteur, ça me. Donne pas plus envie de continuer. D'accord, très bien. Cédric, tu veux mettre une couche toi aussi ou... Moi, je me suis arrêté au milieu de l'issue 1, donc Green Arrow, c'est fini pour moi. D'accord. Ça me plaît pas. Moi, il faut que je l'efface quand même, parce que j'avais kiffé les dessins. Ok, très bien. Wonder Woman 2, Cédric. Oui, Wonder Woman. Alors, ce que je vais commencer par dire, c'est que au scénario, on a Greg Rucka, et Greg Rucka, c'est le plus intelligent des scénarios de DC. Parce qu'il a compris qu'avec du double shipping, ça allait être chiant d'avoir des dessinateurs qui alternaient, et donc du coup ça donnerait pas une... Et pour l'instant ils alternent pas les dessinateurs, je crois. Hein. C'est un arc chacun, j'ai l'impression, non ? Non. Il a commencé sur Wonder Woman, ça alterne. Justement. Ouais. Non, mais sur les autres séries, ça alterne sur toutes les séries. Hein. Bah Flash, ça alterne pas, hein. Pour l'instant c'est sur le même. Batman, ça alterne pas non plus. Si, t'as Ranin et Finch. Ranin, il était juste sur le Rebirth, hein, pour l'instant. Ouais, mais après, la prochaine issue, ce sera de nouveau lui. Hein. En tout cas, je sais pas, moi, Flash, c'est que c'est toujours le même, et Superman, c'est toujours le même aussi. Aquaman, ça alternait, Action Comics, ça alterne. Bon, bref. Et vas-y. Donc, Greg Rucka a eu, je trouve, une excellente idée de faire en sorte que les numéros impairs se situaient dans le présent, et les numéros pairs allaient raconter l'histoire de la jeunesse de Wonder Woman, faire une espèce de Year One, comme il y a eu pour Batman et pour d'autres personnages DC. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça permet, en fait, d'avoir deux histoires de Batman par mois, qui sont complètement indépendantes les unes des autres, avec chacun son dessinateur. De Wonder Woman. J'ai dit quoi ? Pardon. Batman. Ouais, Wonder Woman. Et donc le Wonder Woman 2, donc en numéro pair, c'est le premier numéro de l'histoire dessinée par Nicolas Scott, qui retrace donc la jeunesse de Wonder Woman et l'arrivée de Steve Trevor sur l'île des Amazones. Alors le seul défaut que je trouve à ce titre, c'est le fait qu'on a eu Wonder Woman Earth One. Je sais pas qui est-ce qui déménage. Vas-y. Le seul défaut, je trouve, que c'est qu'on a eu Wonder Woman Earth One par Morrison il y a 3 mois. Et ah voilà, par Morrison. Ouais, ça fait un peu redite. Ouais, c'était pas Peter David, c'était Morrison. Et il essaie de se rattraper quand même, dernièrement, ce qui lui reste. Il y a bien un titre dans tout ce qu'on va dire ce soir où il y aura eu Grant Morrison. Effectivement. Mais en dehors de ça, ça reste un numéro très bien écrit, vraiment très sympa, mais effectivement qui n'est pas très innovant à cause de ça. Mais c'est sublime, les dessins sont superbes, Nicolas Scott, elle envoie du bois. Et là, j'ai hâte d'avoir le numéro 4 pour avoir la suite de cette histoire-là. Voilà. D'accord. Du coup, moi, je me suis fait Legend of Wonder Woman il y a pas longtemps, donc du coup, ça fait quand même vraiment vraiment redite, quoi. Ça, j'ai pas lu d'ailleurs. C'est bien comme série. Bah, j'ai lu, je crois, juste les 3 ou 4 premiers numéros, mais ouais, c'était plutôt sympa, quoi. Ça avait l'air assez ado dans le ton. Franchement, ça me choquait pas plus que le numéro 2 de Wonder Woman. Okay. Il est jeune encore. Aussi, Spectra, il est jeune, hein, il est proche de l'adolescence quand même. plus que toi, non ? Non mais, Cédric, dis-moi des trucs méchants, vas-y. J'accepte tout, il n'y a pas de problème. Ok, on poursuit donc sur Al Jordan and the Green Lantern Corps. Donc Vince, donne ton avis. Et Cédric, ça m'intéresse aussi parce que tout à l'heure, t'avais dit donc... t'as aimé en fait, Cédric, celui-là. Alors, Al Jordan ? Non, ouais. Ça va pas, non. Alors, par contre, je veux rien dire, mais on a oublié quand même de mettre Green Lantern aussi dedans. Mais bon, dans le conducteur. Il manque Green Lantern... Ouais, mais c'est aussi mauvais qu'Al Jordan. Donc. C'est toi qui devais en parler ? Non, c'est beaucoup mieux. Ouais. Bon, c'est pas grave. Alors. Ta gueule. Je le ferai quand même, j'en ai rien à foutre. Donc, Al Jordan and the Green Lantern Corps. Le début, ça partait pas mal. On arrive avec Sinistro qui prend sa place comme défenseur numéro 1 de la galaxie. Putain, on a eu le coupure aussi sur le gars qui se rhabille et maintenant il y en a, je sais pas ce qu'il fout, il saute au sus ou quoi. C'est Wally avec sa cigarette électronique. Ah, ouais, ça c'est moi, ça. Cul. Ça c'est moi, le bruit de. Ouais, ça, c'est moi. C'est moi, ça. Putain, c'est quoi ce délire ici? Moi, j'ai rien à foutre, je démissionne, j'arrête. Je veux plus. Allez, vas-y, continue, c'est bientôt la fin. Hein. Je pense que les auditeurs ils sont épuisés de toutes ces conneries en si peu de temps. Partis. Si à cette heure-ci il y a encore un mec dans le podcast, eh ben. Et on est pas en live, hein. T'es au courant ou pas? Ouais, je veux dire, à cette heure-ci, dans le podcast, quand le gars écoutera, quoi, tu vois. D'accord, très bien, très bien. Putain, faut tout expliquer. Donc, Al Jordan, c'est Green Lantern Corps. Donc, le début partait pas mal, mais au final, en fait, il se passe rien pendant 20 pages. Si les 3 dernières pages où il se passe un truc, mais sinon, à part ça, ben, c'est un résumé. Donc, vu que c'est toujours Venditti au scénario, ben, il s'est dit, le mec, pour le numéro d'instruction, je vais pas me faire chier, je vais résumer tout ce que j'ai fait. Comme ça, si j'ai pas besoin d'écrire de scénario. Donc, à part juste à la fin où Hal Jordan crée quelque chose de mythique, je veux dire, à part ça, il se passe pas grand chose. On voit juste que Sinistro est le numéro 1 de la galaxie et. Continue, et je vous encule. Continue. Sinistro, ça fait référence à la série Sinistro, mais si vous ne l'avez pas lu, comme moi, vous allez peut-être un peu perdu, mais bon, voilà. Sinon, voilà, ouais, c'était un numéro assez moyen, très moyen, où il s'y passe rien. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à faire une review sur un truc où il ne se passe pas grand-chose. Vous avez quelqu'un d'autre l'a lu ? Cédric, ton avis, ça m'intéresse. Je suis du même avis que Vinch, c'est nul, c'est sans intérêt. C'est une redite exactement ce qu'a dit Vinch, c'est une redite complète de ce qu'il a fait avant. Déjà que ce qu'il a fait avant c'était mauvais, donc c'est toujours aussi mauvais. Moi j'arrête là, hein, Jordan, j'arrête là. Ah ouais, déjà. Bon, peut-être qu'après ça peut être pas mal. Moi je vais quand même continuer parce que je me dis que ça peut être bien. Non mais Venditti. Mais il a fait des trucs pas si mauvais que ça. Ah, lesquels Je veux savoir, lesquels. Bah, contre les New Gods, j'ai trouvé que ça passait encore. Oh non, c'était nul. J'ai trouvé ça mieux que contre le truc de 2 mètres de long qui venait de l'ancien univers. Relique. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi j'ai préféré Relique aux New Gods à la limite, mais bon. Oh, non, moi pas. Enfin bon, j'attends quand même de voir, parce que là, en fait, je ne saurais pas juger, vu qu'il n'a rien fait à part faire un résumé de la dernière année écoulée. Donc, Ouais, mais même le résumé, il le fait mal. Donc... Non, moi, je m'arrête là aussi. Bon, ben, moi, je commence pas là, alors aussi. On va faire ça. D'ailleurs, je vais continuer avec l'univers Green Lantern, vu qu'on ne l'a pas mis, mais je le fais quand même. Donc, j'ai lu Green Lantern 2, parce que j'ai pas encore lu le 3, je ne sais même pas s'il est déjà sorti. Donc Green Lantern 2, donc ça poursuit donc l'histoire des deux nouveaux Green Lantern de la Terre, donc qui sont Simon Baz et Jessica Cruz. Et donc moi j'ai trouvé ça sympathique parce qu'on voit toujours leur team up ensemble. Donc dans ce numéro là, c'est les Red Lantern qui déchaînent, la rage sur la Terre. Et donc on voit Jessica Cruz qui essaie de sauver sa sœur, etc. Simon Baz qui arrive pour la sauver en mode un peu gros con. Ça, je trouvais un peu le personnage un peu trop caricatural. Le gars, il se ramène en mode beau gosse, je suis le meilleur, j'en ai rien à foutre. Donc l'autre, elle essaie de sauver sa sœur. Mais sinon, je trouve que leur team-up fonctionne pas mal. Et c'est juste que ça prend beaucoup de temps à démarrer l'histoire, vu que ça fait quand même 3 numéros au total où on voit Astrocytus qui se pécho dans son siège et qui dit bientôt on va aller à notre nouvel endroit. Il a fallu 3 pages pour dire suspense, on va aller sur Terre. Et donc j'espère que ça va quand même un peu se lancer davantage dans la suite, dans le numéro 3. Mais pour le moment, j'ai trouvé ça sympathique, mais c'est vrai que c'est fort lent à démarrer, même s'il y a quand même un peu d'action avec les gens qui pètent les ponts, etc. Mais je veux dire, ça tourne un peu en rond actuellement. Ouais, ça aussi, j'arrête, hein. Ouais, pareil, j'arrête. Moi, je trouve ça encore sympathique, donc je continue. Les Red Lantern sont super mal écrits, ils sont caricaturaux à souhait, alors qu'ils étaient plutôt pas mal faits dans les New 52. Enfin, on les avait fait évoluer, en tout cas. Et là, on est revenu à ce qu'ils étaient avant les New 52, comme si ça n'avait pas existé. Et ouais, Simon Baz et Jessica Cruz, je vois pas qui ça peut intéresser, en fait. Bah moi ça me dit, je les aime bien. Plus qu'en tout cas que les Red Lantern, où c'est vrai qu'on les a quand même beaucoup vus, vu qu'on les a vus en ennemi, puis on a eu leur propre série, puis il y a eu quand même toute la série Red Lantern qui a été tournée vers le fait qu'ils voulaient la Terre, puis avec Astrocytus, la mort, le retour d'Astrocytus, tout ça, et maintenant c'est encore une fois le re-retour d'Astrocytus, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de Red Lantern. Maintenant je veux quand même voir où ça va aller, et puis j'ai envie de voir leur team-up évoluer, voir comment ça va aller. Je trouve ça plus sympathique que ce qui était fait avant, en tout cas, Cal Jordan. Pour l'instant, leur team-up, il est évolue pas du tout, justement, ça fait 4 numéros maintenant qu'on a avec eux, et 3, c'est toujours 3, pareil. Ouais, enfin, il y a le Rebirth en plus. Bah, 3 numéros avec celui-là, j'ai pas lu le numéro 3, donc je saurais pas dire. Si... Moi, je l'ai lu et j'arrête avec celui-là, j'en ai marre. Bah, moi, comme je disais, donc j'étais pas serein et je crois que je vais même pas commencer la série alors, du coup. Je suis très déçu par l'univers Green Lantern, je pense que DC a décidé de l'abandonner. Ils ont mis des scénaristes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de talent. Hein. Donc, c'est dur de dire ça pour Murphy. Ouais. Humphries, pardon. Sam Humphries, je trouve que quand même, c'est comme si du double shipping. Pour moi, c'est normal, ça doit prendre son temps, etc. Donc, faut voir à terme aussi. Mais parce que même, je veux dire, dans l'ensemble, à part quelques séries qui arrivent vraiment à se démarquer, je trouve que les séries ont quand même du mal à prendre le rythme. Mais quelle idée de mettre une série centrée sur Simon Baz en double shipping? C'est n'importe quoi. Il y a Simon Baz et Jessica Cruz. Ouais, non, mais ça marchera. Mais justement, ils peuvent enfin développer les personnages. Il faut juste que le gars se bouge un peu. Ouais, je suis pas convaincu. Très bien, on va passer à Flash 1 et 2, Vinch. Ouais, donc Flash 1 et 2, ben ça, j'ai déjà les dessins, j'adore. Ouais. Franchement, je trouve ça super classe. J'ai vraiment bien aimé. Et alors, j'aime bien aussi, j'ai bien aimé l'histoire. Le numéro 1, on a déjà parlé le mois passé, en fait, je crois. Mais bon, ouais, donc, on en a déjà parlé, donc on va pas en reparler. Ouais, on va faire numéro 2. Le 2 directement. Donc le 2, ben là, c'est la suite. c'est la suite avec. Donc il y a l'ami à Flash qui a été frappé par la foudre et donc on va voir un peu Flash qui va rapidement un peu l'entraîner etc comme ça avait été dit à l'époque. Donc on va voir leur relation etc puis on sait toujours pas vraiment son ami ce que ça va devenir puisqu'il a un peu des dialogues contradictoires. Il est fan de Flash entre guillemets mais il a une vision différente de la façon dont faire vous la justice etc. Et j'ai trouvé ça assez sympathique de voir deux personnes c'est les deux visions différentes de comment utiliser les pouvoirs de la Force Véloce etc. Et puis l'enquête qui continue sur le côté, ça j'aime bien aussi. Et puis surtout le cliff à la fin, j'ai trouvé ça super sympa parce qu'on savait qu'on avait entendu pas certaines révélations avant qu'on avait été spoilé, je veux dire avant Reverse, mais je m'attendais pas à avoir autant de, je vais pas spoiler, mais bon, qui se passe, qu'il y ait autant de personnages en un coup quoi. Moi, je vais continuer en disant que j'apprécie beaucoup ce scénariste et c'est un scénariste qui sait très très bien écrire les titres en feuilleton. Il y a un super cliffhanger à la fin de chaque numéro qui donne envie de voir la suite immédiatement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a que 2 semaines à attendre. Donc les numéros sont pas toujours extraordinaires, mais il y a toujours ce cliff qui donne envie de voir la suite. Et ça se lit bien, je trouve. Ouais. Et j'ai lu le Flash numéro 3 qui est sorti aujourd'hui, je l'ai déjà lu. Et il y a, c'est pareil, c'est construit sur la même façon. Donc il y a la continuité du cliff du dernier numéro et à la fin un énorme cliff qui rabat complètement les cartes. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Je sais pas combien de temps il va réussir à tenir sur ce rythme, mais ça va. Eh, attention, la blague arrive. Ça va à 200 à l'heure. Ouais. T'en as pas les bruits là de sample? Tu sais, on aurait mis un petit sample là. Ouais, ouais. Le délire ou pas? Un petit but de batterie? Ouais. Non. Okay. J'aime bien le costume du nouveau héros entre guillemets. T'en penses quoi toi, Wally, du nouveau Flash? Moi je trouve qu'on a un mix entre. Enfin, on a des dessins plutôt classe, dans un style particulier, mais plutôt classe. Donc on va dire, ils ont mis un artiste intéressant, comme ils avaient mis l'artiste d'avant là sur le début du Run New 52, là, comment il s'appelait? Manapool. Donc voilà, on a un style assez marqué, particulier, qui peut ne plaire ou ne pas te plaire, mais il y a une façon de faire particulière. En tout cas, c'est dynamique, c'est pas Brett Booth. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un dessin banal, quoi. Donc après, on aime ou pas, mais voilà, ils y mettent un artiste qui a un certain trait. Et après, au niveau de l'histoire, l'histoire, c'est, moi, je trouve ça super intéressant. On est loin du Flash New 52, je trouve. Pour l'instant, tu sens qu'il a une grosse idée derrière la tête, même plusieurs grosses idées. Et ouais, ça donne envie de connaître la suite, quoi. Ça mêlé plus à l'intrigue de Rebirth, de tout d'ici. Tu sens que c'est une des séries à suivre. Ouais, ça fait plaisir de voir Flash en forme comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du bon Flash comme ça. Ouais, moi c'est mon coup de cœur de Rebirth, la série Flash, franchement. C'est pas ton troisième coup de cœur déjà depuis le début de l'émission. Il a un grand cœur. Non, mais j'ai il y a Action Comics que j'adore, qui est vraiment ultra efficace, et puis Nightwing que j'ai vraiment bien aimé, mais Flash c'est vraiment la série que je retrouve avec grand plaisir. Déjà c'est la première fois que je lis du Flash, donc du coup c'est trop frais, quoi. Ah ouais, on a les mêmes séries, on aime les mêmes séries. Vraiment, je suis aussi assez d'accord sur les séries qu'aime Spectra. Et Flash, il faut le lire, c'est chouette. Ouais, ça, c'est vraiment une série à lire. Et franchement, c'est vraiment un beau truc. Et ouais, ça va vraiment vers. On a hâte de savoir la suite, parce que c'est. Comme tu dis, ça, la partie en feuilleton, c'est des choses qui t'accrochent. Et puis la série se dit vite, tu te dis pas au plein milieu, puis t'es risque combien de pages, c'est ce qui est bien. Comme certains comics font cet effet-là. Voilà. Ok. Bon donc moi je conseille Flash, voilà, c'est une des meilleures séries. Enfin, moi j'en ai pas des masses en ce moment, mais c'est une des séries du top en tous les cas. On va passer donc à New Superman 1, titre assez fou on va dire. Donc Cédric, on t'écoute. Ouais, à ma grande surprise, j'ai aussi bien aimé ce titre. Pareil, je pensais que j'avais détesté avant de le lire, parce que ça a tout du titre pour hipster. Et on va pas se mentir, c'est un petit peu un titre pour hipster. Mais en fait, alors ça fait suite aux événements qu'il y a eu dans la mort de Superman par Tomasi juste à la fin des New 52, dans lequel on voyait l'apparition d'un nouveau Superman chinois qui était créé à partir de l'ADN du Superman mourant. Et donc on va là dans ce numéro-là, on va voir la genèse de ce nouveau Superman qui est un jeune ado chinois, c'est un petit peu un salopard, hein. Il aime bien piquer l'argent de ses camarades. C'est un fils de Jim Lee ? Pardon. Allez encore. Racisme everywhere. Et donc on va lui, grâce à un petit concours de circonstances où il va pouvoir affronter un vilain un petit peu de pacotille à Pékin, je crois, je sais plus si c'est à Pékin ou à Shanghai, on va lui donner l'opportunité d'accueillir de vrais super pouvoirs et il va la saisir. Et je trouve que cette série est intéressante. Elle tombe pas dans les travers d'une série pour ados classique. C'est pas Bad Girl comme il y avait dans la deuxième partie des New 52. C'est assez bien écrit, c'est assez drôle, assez intelligent. Moi, j'ai bien aimé. Alors, je sais pas si la série va durer très longtemps. À mon avis, ça fera pas des cartons dans les ventes. C'est du double shipping ou pas ? Non. Ah, d'accord. Okay. C'est du mensuel. Donc à mon avis, ça fera une série en 6 ou en 12. Allô ? Ça s'arrêtera, mais je trouve ça sympathique. Ok, donc bonne surprise. Ouais, ça m'a fait penser un peu aux séries un peu animées des années 80-90 où t'as une série japonaise de l'époque quand on était petit. Enfin, quand moi j'étais petit en tout cas. Ouais, on n'était pas encore nés. Non. Je sais pas si je suis le seul à l'avoir lu, mais. Non, je l'ai lu aussi. Alors, vos avis, les gars ? Ben ouais, j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que j'attendais vraiment, vraiment rien du tout, donc je l'ai lu comme ça. C'est vrai que c'était sympathique. J'étais assez surpris de voir que c'était un salopard au début, parce que tu t'attends à voir un gars qui, ben, Superman, tu t'attends à voir un gars un peu à la Clark Kent, et en fait, ouais, c'est tout son opposé. Donc je trouvais ça un peu fun, etc. Maintenant, je veux dire, c'est pas la série du siècle, mais ouais, ça se lit et tu te dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne surprise. Faut voir sur le long terme ce que ça donne, vu que là, il n'y a eu qu'un numéro. Mais d'ailleurs, à la fin, on a déjà on était déjà au courant, mais je veux dire, on s'attend déjà à avoir de l'action, donc pourquoi pas voir ce que ça va donner. Puis si ça peut se mêler un peu au reste du DC-verse aussi, ça peut être sympathique même. Il faut espérer que ce soit pas le remplaçant de Superman dans la Justice League, façon voilà. Je suppose que le remplacement du Superman, ce sera Superman, et lui, je pense que c'est un peu... Je pense qu'ils ont pris, ils avaient un des fils de Jim Lee qui devait écrire et ils ont dit vas-y, fais ton kiff. Encore du racisme. Putain, t'es chinois ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'as des problèmes? Je suis contre le racisme, moi. T'as des origines chinoises, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais moi je suis contre le racisme, c'est pour ça. Non, mais après vous pouvez faire des blagues, mais essayez qu'elles soient drôles au moins. C'est facile, Jim Lee le pauvre. Certes, il s'est reproduit 9 mois, mais je sais pas. C'est quand même toi qui as sorti. Le gars, il s'est reproduit 9 fois et tout qui a commencé. Nous, au début, peinard, on disait rien. C'est vrai, j'ai ouvert la voie. Ok, Spectra, toi aussi, tu l'avais lu ? Ouais, je l'ai lu aussi. Ouais, franchement, c'était, oui, ça va. C'était plutôt sympa. Je m'attendais vraiment à un truc bien pourri vu le court run de l'auteur sur Superman, mais finalement, ça allait. C'est après, j'espère. Cœur, non, c'est pas mon coup de cœur du mois. Peut-être ton coup de cœur de l'année. De toute façon, t'es une catin, Wally, parce que en début d'émission, on critique DC, ça allait pas. C'est vrai, ça. On n'a pas le droit de dire du mal du costume de Wonder Woman, mais par contre, de dire que les comics ils sont bien, là on se fait engueuler, quoi. Ouais, quand on dit que la CWVR c'est de la merde, c'est oh là oh, t'es fou, quoi, t'as su les auditeurs, c'est les comics sont bien, hey, vous calmez ou quoi, ici c'est pas. On n'est pas DC, hein. Non, mais allez, c'est... super Spider-Man 7, qu'est-ce qu'on en pense? Spider-Man 7, non, mais c'est un juste milieu en fait, tu vois, entre les deux, quoi. Ben, on aime beaucoup les comics, on n'aime pas beaucoup les adaptations libres. On est voilà. Du mécontier, mais que c'est soit on déteste, soit on aime, mais on n'a pas de juste milieu. Voilà. Ouais, d'accord. On a une sensibilité quoi. Comme ça, Fleur de Peau, c'est ça, Flashpoint. C'est de l'amour, bordel. Quelle sensibilité. Non, par contre, juste sur New Superman, effectivement, j'espère qu'ils vont pas, à terme, qu'ils vont pas transposer l'univers, enfin, qu'ils vont pas transposer tout ce qui est Justice League, mais en version chinoise, quoi. Ouais, après, c'est prévu. Est-ce que c'est la volonté de DC de vendre des comics en Chine? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oh putain. Ouais. C'est trop de la folie. Éteins la télé. Quand j'allume la télé, ça fait ça. Et là, putain, genre. T'emmerdes ou quoi? Non, mais... casse-toi. J'ai pas allumé la télé là, bordel. C'est juste mon écran, il s'est mis en veille, tu vois. Mon écran se met en veille, ça fait ça. Je suis sûr, j'éteins la lumière de ma chambre, ça y est, c'est terminé, quoi, tu vois. C'est trop fou. T'as fini du coup, Cédric, Spectra, parce que j'ai pas entendu en fait. toute façon, tu m'écoutes plus. Ça fait longtemps, ouais, ça, c'est bon, j'ai terminé. Ok, alors on va finir ce podcast complètement fou avec Hellblazer Rebirth, avec toi, Spectrin. Ah bah, c'est mon coup de cœur du mois. Ah. Non, je déconne. Donc, je l'ai lu aussi. Eh bah, tu vas peut-être le faire, du coup. Non, vas-y, vas-y. Voilà, t'as ouvert ta gueule, voilà. Par Simon Oliver, au niveau de l'écriture et au niveau des dessins, par Morita, qui fait aussi son ancrage et sa colorisation. Donc, John Constantine est en week-end à New York et il décide de revenir sur Londres. Sauf qu'à Londres, pas de bol, il y a un démon qui l'avait énervé un peu dans le passé et qui avait jeté un sort sur son âme. Donc du coup, Constantine va essayer de se débarrasser un peu de tout ça, mais en mettant la vie de 8 millions de personnes en danger. Voilà. C'est un mec sympa. C'est un mec sympa. Donc voilà, c'est un rebirth pour montrer que Constantine, c'est quand même un gros enfoiré, mais pas trop quand même. J'ai pas accroché particulièrement. À la limite, j'avais limite préféré le premier numéro de Constantine du DCU. Je lirai peut-être le numéro 1 par curiosité, mais je pense pas que je vais aller bien loin dans Hellblazer. On a qui comme gros fan d'Hellblazer? Cédric, toi t'avais lu, non? Ouais, moi j'aime beaucoup le vrai Hellblazer. Mais voilà, et là, donc ça là, là... Bah en fait, tout à l'heure, Vince, il parlait du comics, tu sais, quand on parlait de Flash, il parlait du comics où tu lis et tu regardes à quelle page t'en es, et tu dis « Ah, il me reste encore tout ça !» Et bah c'est ça Hellblazer, c'est long, c'est chiant, c'est bavard, c'est pas très bien dessiné. C'est pas pour Wally, quoi. Non, mais tu sens qu'ils veulent retrouver l'esprit Vertigo, donc ils se disent, oh, on va faire un dessin moche, parce qu'à l'époque, dans Vertigo, c'était moche, donc on va faire du moche. Ouais. C'était verbeux à l'époque, donc on va faire du verbeux. Mais sauf que ça raconte rien, donc c'est pas intéressant. Je vais faire comme Spectra, je vais aller voir le 1, mais je pense que j'irai pas beaucoup plus loin que ça. En fait, je crois que c'est Fabien, en fait. Mais non, pas du tout, moi j'entends le bruit aussi. Hein. Ah. En fait, il y a un mec qui s'est incrusté sur la chaîne là et il s'est dit ce soir, je fous la merde. C'est lequel, c'est celui qui déménage là, qui a ouvert son tiroir à couteau là. Mais en plus, c'est pas possible, il y en a un qui se fout de ma gueule parce qu'on est 5. Et donc, il y en a forcément un des 5 qui se fout de ma gueule quoi. T'es sûr que c'est pas toi qui nous fait des têtes là? C'est le bataille chulo qui fait genre et tout. Non, mais moi je vois pas. Non, non, moi je pense que c'est toi Vinch en fait. Moi je trouve du saucisson, moi j'ai que ça à foutre. J'en sais rien, peut-être. Moi je m'auto-tout. Non, mais peut-être tu bouges, tu ouvres des tiroirs et en fait. Quelqu'un qui a ouvert pas, un fait. Tiroir là. Voilà, qui c'est le traître qui a ouvert un tiroir? J'ai pas ouvert de tiroir. Spectra il dit rien quand même. C'est Spectra qui a ouvert un tiroir. Il est dans son tiroir à mon avis. C'est Spectra. Je suis calé dans mon pieu là. T'es qui va me branler ou quoi? Bon, on va finir ce podcast parce que là je crois qu'il en a. Non, on a pas fini, il y a encore un truc qu'il faut aborder. Attends, j'ai pas. Ouais, bah du coup, ouais, c'est moche, Hellblazer, et puis voilà. D'accord, t'as pas aimé non plus. C'est quoi que tu voulais aborder, Vinch? Bah, dans la Camus, ce mois-ci, dans les comics, pour ceux qui on sont s'en bat les couilles, pas, là, vas-y, qui n'ont pas vas téléchargé, il y a quand même une putain de révélation, on a appris qui était réellement Doomsday. Ah, mais non, mais moi je sais pas. Il mange des sneakers? Voilà. Ah ouais, oui! Ça, je voulais tellement pas en parler, putain. C'est tellement nul, quoi. Bah non, ouais, c'est une révélation au choc, il y a tout le monde qui s'en fout. Doomsday, c'est Wonder Woman. Putain, moi ça m'a choqué quand j'ai vu ça, je me suis dit. C'est un truc de dingue en fait, un sneakers sauve le monde. Ah ouais, mais attends, mais j'avais pas du tout compris ça. Ouais, j'ai compris qu'il y avait un sneakers, j'ai pas compris que... Ah ouais, mais j'ai pas du tout... Ah ouais, d'accord. Bah si, il se bat contre Doomsday, d'ailleurs c'est super beau. Ah, et là, quand il a faim, Snoop Dogg j'allais dire, quand il a faim, Superman, il se transforme en Doomsday, c'est ça le plan? Non, c'est pas Superman, c'est Wonder Woman, il lui fait, j'ai un sneakers, et ouais, machin, il lui donne le sneakers, et puis Batman, il fait même une feinte. Clin d'œil pour ceux qui disent que Batman, il fait jamais de feinte, il dit, ouais, j'ai le même problème quand Robin, il a faim. Bam. Je lui donne la sneakers. Ah, ils sont malins. Ah, j'avais pas capté. C'était pas mal. En plus, c'était joliment dessiné. Ce dont vous parlez, hein. C'est dans quoi ça? C'était les pubs qu'ils ont mis dans les comics ce mois-ci. D'ailleurs, parce que je veux rien dire. Moi, je voulais en parler. Pourquoi? Parce que l'année passée, ben, on a fait carrément un podcast spécial édition limitée pour parler des putains de pubs qui coupaient à moitié les pages. Tout le monde gueulait. C'est de la merde. C'est honteux. D'ici, ils vont couler et tout. Alors, pour une fois, ils font un truc original. Ils font une mini comics de 3 pages et tout. En plus, c'est dessiné par Ivan Reis. Voilà, ils font un mini truc et tout, ben là tout le monde s'en fout. Par contre, pour gueuler, ça tout le monde est. Après, on dit que moi j'aime pas DC, putain, j'en ai marre. Bon, c'est bon. Oh là là là là. Putain, on aura tout eu ce soir. Ok. Ouais, non, j'avais pas du tout compris ça en fait. Moi, je croyais que c'était Wonder Woman qui avait donné les sneakers. Voilà, on est en train de parler. Wonder Woman, c'était Doomsday. C'était parce qu'elle était énervée? Voilà, c'est la F, hein. Les mecs, ils comprennent pas une pub qui tient en 3 pages et ils lisent des comics VO de 25 pages. Et après, ils font des critiques en plus. Ah, bravo la crédibilité. Bon, on va passer à des trucs que vous avez fait en dehors, donc des comics. Ouais, t'avais si, un truc à rajouter. Y avait The Killing Joke, l'animé. Ouais, mais on en parlera le mois prochain, je pense. D'accord. Ouais, après on en parlera le mois prochain. Ok. Ouais, on en parlera le mois prochain. Vas-y, on commence par toi, Fabien. Qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci en dehors des comics? Mais un truc intéressant quand même, tu vois. Mais dis pas que t'allais faire du vélo ou quoi, ça. Ah non, je fais pas de vélo. D'accord. Par contre, ma marche à pied. Je suis allé choper des Pokémon. Mais t'es sérieux? Ouais. Alors? Ça va. Parce que je suis à Paris, donc. Il y en a plein, quoi. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de Pokéstop autour de chez moi, j'ai même pas besoin de me lever. T'es sérieux, là? Vraiment, tu joues à Pokémon Go? Ouais. D'accord, ok. Ok. T'as pas le maillage pour aimer ça, Wally. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans son cas. C'est une horreur. Il y a beaucoup de monde, surtout de mon âge, en fait. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que tous ceux qui ont entre 20 et 25 ans, même un peu plus que 25 ans, ils sont complètement dans le délire Pokémon Go. Et beaucoup plus que 25 ans, non, moins, hein, forcément. Moi, je me sens pas trop concerné. Hein. Alors, moi, s'il y a un mec qui cherche un Pokémon sur la route, je l'écrase direct. Hein. Je suis contre ce principe. T'sais. Les enfants, ils sortent et tout, t'es pas content. Putain, en fait, les gens sortent, ils cherchent des trucs qui n'existent pas. Putain, mais je sais pas moi, enfin, je sais pas. Mais t'imagines, genre, Jim Lee sort ses gosses pour aller chercher des Pokémon, ça fait du monde. Putain, il l'aura pris ce soir, le pauvre. Hein. Bon, et sinon, hormis Pokémon Go. Non, mais j'ai regardé la nouvelle série sur Netflix, là, c'était quoi, Stranger Things. Ouais, tout le monde dit que c'est bien, c'est excellent. Et t'as aimé? Franchement, ouais, j'ai bien aimé, il y avait des passages un peu trop clichés pour moi. J'ai trouvé, mais c'est une bonne série et ça fait peur ou pas? Ben en fait, au début, j'aime pas du tout ce qui fait peur ou ce genre de choses. Le premier épisode, ça te donne un petit peu cette air-là, mais après le reste de la série, pas du tout. Non, c'est une série très. Vas-y, fais-nous le pitch. Hein. C'est une série hommage aux séries des années 80, au film des années 80. Donc, je sais pas si tu as vu le film Super 8 de J.J. Abrams. C'est un peu le même idée, donc de retrouver un peu l'ambiance des films de Spielberg ou par exemple les Goonies. Pour revenir sur Super 8, j'avais pas du tout aimé, alors que là je la trouve vraiment excellente, cette série. Ouais, tout à fait. Et quand tu dis qu'il y a des clichés, moi je trouve que c'est plutôt des hommages. Moi ça m'a pas gêné Côté-là. Mais c'est vrai que ça utilise des codes, qu'on avait dans les films. Ouais, genre, après oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'au final, on retrouve le cliché du bahut où en fait, c'est ce qu'on retrouve aussi dans, comment ça s'appelle, Retour vers le futur, où t'as le gros, un élève qui veut casser la gueule à tout le monde avec. Ouais. Ouais, c'est classique des films de ces années-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, du coup, c'est peut-être ça qui m'a, pour moi, un peu gêné. Voilà. Très bien. On passe à Kivinch. Ouais, désolé, je viens de voir sur Twitter une photo où t'as Felicity et le mec, je parlais, qui sont occupés à faire semblant de se rouler une pelle. Je suis choqué. John Barrowman. Voilà. D'accord. Apparemment, ce sera conséquence de Flashpoint. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te couper, Vinch. Finalement, je vais juste vous laisser, les gars. Tu vas pécho? Non, pas du tout. Je crois que j'ai le chien qui fait n'importe quoi à côté. Donc, okay. Ah, c'est lui qui coupe dessus, non? Ça roule, l'ami. Passe une bonne soirée et on se revoit le mois prochain. Ça marche. Bisous à tous. Ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao. Kiss, ciao. Kiss. Bisous. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé la saison 2 de Marco Polo, mais j'ai même pas encore fini. Ah, moi j'ai abandonné, j'arrive plus les séries. Ouais. Et c'est bien alors ou quoi? Parce que moi j'ai maté les deux premiers, ça m'a saoulé. Bah, je trouve qu'il y a plus. C'est pour ça que j'ai pas encore fini en fait, parce que c'est un peu moins bien, que c'est plus lent, ouais. Et c'est beaucoup plus politique, etc. Que franchement j'aime bien, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup. T'as plus de mal à être dedans par rapport à la saison 1. Donc du coup il me reste 3 épisodes à mater, 3 ou 4, et j'ai pas encore le courage de les finir. Ah, moi j'ai préféré la saison 2. Moi je trouve qu'il y a beaucoup moins d'action et c'est beaucoup plus lent, etc. Avec les intrigues et les trahisons, etc. qui sont un peu. Ça paraît un peu. L'intrigue paraît un peu dans plus de sens qu'elle l'était dans la saison 1. Donc, mais ouais, c'est sympa et tout, mais je veux dire, j'ai moins été pris que dans la 1. Et sinon, bah, ouais, j'ai rien fait d'autre, que j'ai été pas mal occupé par le taf et tout, donc voilà, c'est tout. D'accord. Cédric. Alors moi j'ai vu BVS. Ah. Ah ouais, j'ai revu. Donc j'ai vu l'édition longue spéciale, je sais plus comment elle s'appelle. Ultimate Cut. Ultimate, voilà. Alors? Est-ce que je te dis vraiment ce que j'en pense ou Bah est-ce ouais, que je dis ce vas-y. que tu as envie d'entendre, Wally? Non, ce que j'ai envie d'entendre, ça me va très bien. Non, dis Qu'il ce a que t'en menti. penses, mais Non, enfin. franchement, j'ai pas détesté. Ouais. J'ai pas adoré non plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé. Qui m'ont un peu ce qui m'ont qui m'ont pas qui m'ont un peu sorti du film. Alors peut-être que c'est parce que c'est la version longue que j'ai vue, mais je me suis pas mal ennuyé au début du film. Je trouve que ça manquait un peu de rythme, mais c'est surtout la réalisation qui m'a gêné. Moi, Snyder, j'y arrive pas. Par contre, dans la narration, dans l'histoire, il y a de très bonnes idées. Tout le passage où t'as Bruce Wayne qui rêve, je la trouve vraiment chouette. J'aimerais vraiment voir un film centré sur cet univers-là. D'accord. Dans tout le Elseworld où Batman est vraiment violent, la façon avec des flingues, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais après, il y a des trucs qui vont pas du tout. La scène finale, les effets spéciaux, je les trouve même moches. J'étais déçu, quoi. Tu vois la CGI à plein nez. Mais Gal Gadot, ma grande surprise, je l'ai trouvé vraiment bien. Il y a des bons moments, il y a des très bons moments, et il y a des choses qui passent pas. Mais bon, c'est Donc mitigé quoi. mitigé, mais mieux que ce que j'attendais. Et que Ouais. ce que t'as entendu sûrement d'ailleurs. Bah en fait j'avais pas lu beaucoup de critiques, je m'étais un peu fermé parce que j'aime pas me faire spoiler donc voilà. C'est pas une bouse, hein. C'est pas D'accord. je trouve ça bien meilleur que la plupart des films Marvel. Voilà. Pour Bah tu vois, comparer avec les films Marvel à ce que tout le monde fait, je ne sais pas pourquoi, mais après tout t'as j'ai vu réussi aussi. à donner ton avis tout en disant ce que je voulais entendre. C'était pas mal. C'était gavé en fait. Voilà. Non, putain. Et sinon, j'ai enfin reçu mon DC Universe Rebirth numéro 1, que j'avais Ouais. commandé il y a presque 2 mois, et j'ai eu la grande surprise et la grande joie de le recevoir signé par Ethan Van Sciver. Donc j'étais content. Énorme. Donc ça, c'était chouette. Et ça, tu le savais qu'il était Non, signé ou... non, non, non, non, quand j'ai été à mon comic shop, mon numéro m'attendait, et j'ai vu le gribouillis dessus, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est là que j'ai vu qu'il était signé. D'accord. Et ils le font souvent, ça? Non, non, pas à ma connaissance. Donc Ok. c'était plutôt la bonne surprise. Avec le petit certificat d'authenticité en plus. Et je ne l'ai pas payé plus cher. Donc t'es Il y a content. moyen que tu puisses le revendre cher, par contre. Bah alors j'ai été voir, pour l'instant, il vaut entre 20 et 30$. Hein. C'est pas non Ouais, non, mais plus. faut attendre quelques dizaines Voilà. d'années, quoi. Mais bon, Dans c'est. 50 ans, tu pourras en tirer 100 dollars. Je suis comme. Voilà, c'est ça. Mais je suis Quand quand. Enfin, en tout cas, moi je suis content de l'avoir, j'ai pas l'intention de le vendre. avec Mais... Poggy, on essayera de vendre Batman 1 et Aquaman 1. Ouais, c'est ça. Et autre chose sinon? Non, ce sera tout. Bon, moi je vais conclure. Bon, moi j'ai pas fait grand chose. Donc Marco Polo, j'ai laissé tomber. La saison 3 de Tyran, j'ai vu un épisode, j'ai arrêté. Mais je pense qu'en fait, je fais une overdose de séries. J'en ai trop vu dans ma carrière. Juste, ouais, non. C'est vrai Sinon, que je. j'ai quand même critique cinéaste, toi, ça. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et sinon, bah ouais, non, j'ai vu Flo, donc de Comic City, de Bliss Comics. On s'est capté dans le VAR, on allait bouffer au restaurant, on a passé une super soirée, il était vraiment cool. Donc ouais, c'était cool. Voilà, hormis ça. Non, j'ai pas vu de film, et pas testé de nouvelles séries. La seule qui me tient en haleine, c'est Outcast, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Voilà, sinon j'ai rien fait de geek ou quoi que Outcast, ce j'ai soit. abandonné. Je trouve pas la série très intéressante. Voilà, après, comme on disait, si t'as lu le comic, c'est sûr que ça a peut-être pas Ouais, c'est d'intérêt. ça. C'est exactement la même histoire. Donc. Moi qui lis pas le comic, ça me va très bien. Ok. Bon, mais vous avez quelque chose à rajouter? Ouais. Vas-y. Je sens que c'est intéressant. Bah ouais. En fait, j'ai vu aussi l'Ultimate Cut de Batman Superman et j'avais un nouvel avis à donner dessus. Ouais, Ouais. pareil. Donc franchement en fait moi je trouve que l'Ultimate Fighter ça aurait dû être le film qui aurait dû sortir en salle parce que les moments que moi j'avais trouvé un peu décousu trop rapide mal expliqué etc bah, ça répond pas mal je trouve que c'est mieux développé tu comprends mieux les motivations de Lois mais les motivations de Clark de Superman aussi vu que dans le film, pour dire Clark Kent, il entend juste parler Batman et le mec il fait une fixette dessus. Là, on voit que quand même, il y a une partie enquête où il se dit putain, le gars en fait c'est un taré, etc. On comprend mieux pourquoi Superman lui en veut, alors que dans le film au cinéma, se trouve un peu sous la un cheveu sur la soupe, tu vois. Et pareil pour Lois Lane et pour ce qui se passe aussi avec le Sénat, puisque dans le film, tu te dis en fait Superman il est simplement venu l'aider. Tu vois même pas toute l'histoire du massacre, etc. Et tu te dis putain, en fait. C'est con, pourquoi le Sénat s'emballe sous les... Là, tu vois quand même que les mecs, ils ont buté tout le monde, ils les ont cramés, faire croire que c'était Superman, etc. Tu vois quand même, enfin, je veux dire, s'il y avait tout un suivi, l'histoire était beaucoup mieux développée, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il y a encore quelques histoires qui sont parties un peu maladroites et tout, mais je trouve que ça rehausse vachement le film par rapport à ce qui est sorti au cinéma. D'après ce que j'ai entendu dire, la partie qui est dans le tribunal où le gars qui est handicapé se fait exploser, ça n'est pas expliqué pourquoi Superman ne voit pas la bombe. Oui, c'est expliqué, si c'est expliqué. C'est expliqué dans la version longue, mais dans la version cinéma, ça l'était pas. Non, ça ne l'était pas. Ça aussi, ouais. Justement. C'est quand même assez dingue, parce que c'est. Il y a plein de. Enfin, je sais pas, quand je l'ai vu aussi, et j'ai trouvé que la partie avec la femme Black, là, qui cherche à avoir justice, justement, c'est lié avec le début. Et ça, c'est toute une intrigue. Ben, en fait, on voit toute une intrigue avec Clark en mode journaliste sur ça et en mode Superman d'un autre côté. Et je trouve que la relation entre les deux, elle est super bien faite parce qu'il cherche d'un côté à trouver la vérité en tant que Clark et d'un autre côté, il est accusé en tant que Superman. Et je trouvais ça bien du coup. Mais c'est complètement obscurci dans la version ciné. Mais pour revenir à ce que disait Finch, là, tu disais que la version au ciné, c'est ce qu'on aurait dû avoir avec l'Ultimate Cut, mais le problème, c'est que ça leur fait trop peur de mettre un film de 3 heures au cinéma. Bon, pourtant, il y en a déjà eu, et je pense qu'il y aurait franchement eu moyen de... Parce qu'en vrai, comme l'histoire, la trique, parce que Superman, dans la version cinéma, c'est ça que j'aimais pas trop, c'est qu'il passait un peu pour la grosse victime et le gros blaireau de base, alors que là, c'était beaucoup mieux expliqué, et on comprend ses motivations, on comprend pourquoi est-ce que ça... Qu'est-ce qui lui arrive, etc. Parce que dans genre l'histoire du tribunal, enfin du Capitole, tu dis juste, le gars, il vient, il parle pas, et là, on le voit quand même... qu'il a essayé d'aider les victimes, les gens le rejettent, puis après, Lois lui explique pourquoi, s'il a pas vu ça, etc., que c'est pas sa faute, il y a tout un... Il y a toute une histoire et tout qui se développe, et même on apprend que comment Luthor a tiré les ficelles et tout. Donc ça, franchement, j'ai vraiment bien aimé l'Ultimate Cut. J'ai trouvé ça bien meilleur et ça m'a fait plus apprécier le film que ce que je l'avais apprécié au cinéma. Et le plan, ça m'a bluffé. Bluffé. J'ai carrément kiffé ce plan. Quand on voit pas grand-chose quand Batman entre dans le labo de Luthor. On voit juste la caméra qui filme un écran de caméra de sécurité. Je sais pas si vous voyez le plan quand Batman arrive par le plafond et pour choper un mec et repartir direct après. Je sais pas si ça veut dire, non. Non, pas spécialement. Non. Là comme dommage. Ça direct, je ne vois pas. Tant pis. Et toi, Oli, est-ce que tu as vu l'Ultimate Cut? Ouais, je l'ai vu, c'est sûr que ça amène entre guillemets plus de liens au film, c'est plus cohérent, donc ça apporte des trucs en plus. C'est vrai que l'intrigue avec Clark Kent, elle était carrément pas au cinéma, donc c'est vrai que ça rend le film encore plus digeste, mais moi à la base je l'ai pas trouvé nul le film, donc... J'avais pas trouvé nul non plus, mais je voulais trouver des défauts que cet Ultimate Cut a corrigé, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, après voilà, t'as des gens qui... Ceux qui aiment pas le ton du film, même en regardant le film en version longue, ils l'aimeront toujours pas, quoi. Voilà. Mais bon, après, maintenant, tu peux rien faire pour eux non après, plus. Il y a, oui, après, si, y a quand même sûr, des choses insupportables. Il y a des ralentis vraiment, vraiment lourds. Ah, mais c'est Snyder, ça. Il y a la Batmobile. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire à quoi elle ressemble? Putain, c'est tourné dans le noir. On voit rien, quoi. Toute la scène avec la Batmobile, elle a l'air cool, on la voit pas. Oh là là. Ah, c'est agaçant. Non, mais après, et je peux comprendre qu'on aime pas. Ça, je peux comprendre. Et il y avait un truc à voir, par contre. Est-ce que la fille rousse, là, que tout le monde pensait que c'était Batgirl, qui était censé être dans l'Ultimate Cut, j'ai même pas vu en fait. Jenna Malone. Voilà. Mais en fait, c'est mais c'est dommage ça, parce que c'est Jenna Malone, et en fait, c'est la directrice de Starlab apparemment. J'ai même pas fait attention, même dans l'Ultimate Cut, je l'ai pas vu. Bah, elle a rien, je crois qu'elle a deux scènes, parce que c'est Lois qui va la voir. Lois va la voir pour la balle qu'elle a récupérée dans le carnet. Ouais, ah, j'ai même pas reconnu. Et en fait. Elle va la voir juste pour ça. Et du coup, tu vois, c'est là que c'est dommage, parce que ils ont utiliser Jenna Malone pour ce petit rôle à la con. Et le comment il s'appelle, le mec qui veut faire un film Bad Girl, Jenna Malone, c'est l'actrice avec qui il fait des films depuis un petit moment et avec qui il s'éclate avec. Donc du coup, c'est dommage d'avoir utilisé Jenna Malone alors qu'elle s'entend super bien avec le réalisateur qui voudrait possiblement faire un film Bad Girl. Ouais. Ok. Bon. On va s'arrêter là, les amis. Yes. Ok. Ok, ça c'est bon. Bah, on vous dit un grand merci à tous. On aura bien rigolé, j'espère que vous aussi. Désolé pour le bordel, ça par contre, je sais pas d'où ça vient, ça fait chier. Et donc on vous donne rendez-vous au mois prochain. Il y a beaucoup moins de bruit depuis que Spectra n'est plus là. En tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Posons-nous les bonnes questions. La bise à Jim Lee. Ouais, le pauvre. Et à sa famille. Parce qu'on sait qu'il nous écoute tous les chaque mois. Ouais. Et à ses 9 enfants. Bon, voilà. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain. Salut. Ciao. Salut à tous. Ciao. Rest in peace.